Du Before Party Fun Arizona remixé par Robin Schulz. Est-ce que vous a mis Nicosé dans sa playlist? Écoutez, Miko, ce soir tu vas remplacer Adrien Thomas pour Party Fun à minuit. Exactement, juste après le night show avec Marion Rienzo. Et le night show avec Marion Rienzo, c'est juste après le Vin Fun avec le doc et Karel. Karel qui, je crois, est allé chez le coiffeur. Salut les Karel. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, absolument. On fait un passage antenne sur ma coiffure. Je trouve que ça doit bien. Ça a dû être rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à couper. C'est ça, Doc. La question à se poser, c'est est-ce qu'il a tout coiffé le corps ou est-ce qu'il y a encore des endroits du corps où. Justement, c'est marrant que t'en parles parce qu'on a eu un vrai débat hier là-dessus. Qui s'épilait dans l'équipe a priori, avec Doc, on laisse nature. Hein, alors que les autres, comme Kassim par exemple, où c'est vrai qu'il est plutôt velu, il est lag. C'est la toison d'or. C'est la différence de génération, ça. C'est un conflit. Je sais pas. Oui. Je sais pas. Toi, t'es plutôt comment, d'ailleurs? Parlons-en, Miko. Tu t'épiles? Oui. Oui. Non, par contre, Miko a des poils sur les pieds. On peut le dire, ça. Alors, Miko, tu veux dire le célèbre DJ de Fun Radio? Ouais. Franchement, on peut avoir une photo? Non, mais c'était une vanne, évidemment. Ah bon? On vous fait des gros bisous, les amis. Allez, bisous. Et salut. Et à tout à l'heure, Miko. Salut. Ciao, ciao. L'équipe de Loving Fun est de retour. Vous ne les connaissez pas. Doc, un vrai médecin. Bah, j'aimerais savoir si le doc est vraiment un docteur. Eh ben, mon métier, c'est Sam, je suis médecin et pédiatre. Voilà. Karel, le roi des Pokémon. Appelez-moi Karel Chou et venez me défier dans mon arène. Alice est devenue pilote en Italie à bord de sa nouvelle décapotable. Buongiorno. Y cherchez la direction de Fun Radio, per favor. C'est-à-dire que là, vous êtes à Clermont-Ferrand, madame. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Et bonsoir à tous, c'est une nouvelle soirée qui commence sur Fun Radio tous les soirs, 20h, 22h, très content de vous retrouver là. On est jeudi soir à la cool, il s'en passe des choses hein, en ce moment, tout le monde parle que de ça, la rentrée, il y en a compris aujourd'hui. Donc moi j'ai emmené mon fils à l'école par exemple ce matin, mais bon lui il est en grande section, en maternelle. Hein, donc il y en a qui reprennent demain, il y en a qui reprennent lundi, il y en a qui vont nous écouter aussi ce soir, j'en suis sûr, et qui vont nous raconter comment s'est passée la première journée là. On compte sur vous, c'est une vraie libre antenne qu'on fait chaque soir sur sur Fun Radio avec vous tous, vous toutes. Le numéro de téléphone pour passer et venir délirer avec nous, poser vos questions, demander des conseils, c'est le 01 42 48 5000. Je m'appelle Karel, il est salut, là. Salut il à est... toutes et tous. J'ai entendu dans l'intro, il est médecin, il est pédiatre. Oui, entre autres, oui. Et très amoureux aussi. Je te vois sur ton téléphone, Doc. T'envoies un petit message SMS à qui, là? Non, je règle un problème de travail, mais non, là, le petit message, oui, ça va partir dans la soirée, ça part toute la journée. Comment ça va, Alice? Bah écoute, ça va, moi j'attends justement des petits messages d'amour, mais personne. Ah bah attendez, alors je vais vous donner le numéro de téléphone portable d'Alice. Ah bon, hein. Non, je et ne si crois pas. Et si on commençait la saison en donnant le téléphone portable d'Alice? Ah non, par contre, d'Alice. Ça c'est moyen, non. Alors, on va lancer le hashtag je veux le téléphone d'Alice. Non. Si on le met en TT ce c'est soir. 06, 50. On donnera son numéro de téléphone. Non, ça va pas marcher cette histoire. Hashtag je veux le téléphone d'Alice. Allez-y, c'est parti. On vous attend. On verra bien. Godefroy est à l'arrêt, bien sûr, comme chaque soir. Oui. Quel beau gosse. Merci. C'est qu'on a beaucoup d'auditrices qui te kiffent. Hein. C'est vrai. Qui veulent plus de plans caméra sur toi. Non, mais je lui dis ça pour le mettre en confiance. Mais bien sûr. Et puis Guillaume et Cindy qui vous attendent au standard toute la soirée. 01 42 48 5000. D'ailleurs, on va tout de suite accueillir Émilie. C'est notre auditrice du soir. Elle a 21 ans. Elle nous appelle de Longwy. Bonsoir, Émilie. Salut, Karel. Salut, Doc. Salut, toute l'équipe. Salut, Émilie. Alors, est-ce que tu peux nous dire où t'es, là, Émilie? Là où je suis actuellement? Ouais. Je suis dans ma voiture. D'accord, donc tu vas être pendant 2 heures avec nous pendant l'émission. Tu es notre auditrice du soir pour réagir à tout ce qui se passe pendant l'émission. Tu es dans ta voiture, pourquoi? Ben parce qu'après, je vais travailler. Oh putain, tu fais quoi comme boulot? Je suis agent de sécurité dans un foyer de réfugiés. D'accord. Ok, tu commences à 22h. C'est ça, jusqu'à 6h du matin. Eh ben, tu vas te détendre avec nous pendant 2 heures, justement. T'as prévu la batterie, j'espère? Oui, il n'y a pas de souci, j'ai tout prévu. Alors, Émilie, on va accueillir ensemble Clément. Il a 16 ans, il est de Metz. Bienvenue, Clément. Salut, Clément. Salut, Karel. Salut, l'équipe. Salut, Doc. Salut à toi. Alors, Clément, raconte un petit peu pourquoi tu nous appelles ce soir. Pourquoi tu as décidé d'appeler Love in Fun? Bon, en fait, ça fait 2 ans, en fait, qu'on se fout de moi au Bayou parce que, en fait, je fais donc un sport féminin. Et du coup, tout le monde se fout de ma gueule. Parce que je c'est quoi? C'est quoi ton sport féminin? C'est du patinage artistique. C'est pas féminin. Non, il y a eu quelques médailles aux Jeux Olympiques et c'était des mecs. Hein. Candeloro, c'est plutôt un mec bien couillu. Hein, mais attends, qui se moque de toi? Parce que ça peut être une raison. Tout le bahut. Ça m'étonnerait quand même. Ouais. Bah oui, parce que, enfin franchement... Attends, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui se moquent de toi ou vraiment tout le lycée? Un peu tout le monde, quoi. Genre, on me dit salut, Travelo. Oui, ça se passe où, comment? Enfin, faut quand même savoir un peu, là. Bah, genre, le matin, j'arrive au bahut. Genre, je me dirige vers ma salle de classe, il y en a dans les classes qui me souhaitent salut, Travelo, tu fais du patin. Est-ce que c'est chambré ou est-ce que c'est vraiment un truc qui te pèse, quoi? Je veux dire, c'est. Quand tu vas rentrer chez toi le soir, limite, tu vas en pleurer, quoi. Ah oui, c'est exactement ça. C'est répétitif, c'est tout le temps dans la journée, on te donne d'autres insultes. Ouais, toute la journée, ouais. Bah, c'est un groupe de mecs, forcément, c'est pas tout un lycée, c'est pas possible. Oui, enfin, une majorité. Ils sont... Non mais non, attends, il n'y a pas 500 mecs qui traitent de Mais Pablo. est-ce que tu vas au bahut en collant? Non, parce que ce qui peut se produire, c'est qu'un groupe d'élèves, effectivement, est toujours les mêmes. T'agresses dans la journée, agression verbale de façon répétitive et systématique, et ça s'appelle du harcèlement cette fois. Tu comprends bien la différence. Ouais, d'accord. Est-ce que c'est du harcèlement pour toi? Oui. Bah oui, faut le dire, faut commencer par ça. Hein. Voilà, c'est ça, Clément. À partir du moment, et on en a souvent parlé, du harcèlement dans l'émission avec Doc, bien sûr. Et à partir du moment où tu te sens pas bien à cause de ça et que même t'as limite pas envie d'aller en cours, c'est qu'il faut changer ça quand même, Clément. Et t'appréhendes avant d'arriver, c'est ça? Ouais. Mais parce que c'est un gros groupe, donc. Ben voilà, non mais c'est bien ça. Moi j'ai fait de la danse. Oui, bien sûr. Non mais attends, c'est un peu. Non mais je me suis fait chambrer un petit peu. C'était pour mon dos et tout. Oui, j'ai fait de la danse. J'ai eu un tutu, Doc. Photos? Non mais attends, le problème n'est pas là. Ça n'a rien à voir. C'est qu'ils ont trouvé un prétexte face à quelqu'un qui est peut-être une bonne proie. Mais bon, même sans ça, et ils trouvent des prétextes pour l'agresser verbalement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? Il faut pas se laisser faire parce que t'en souffres. Tu leur casses la gueule. Non, ça sert à rien du tout. Okay. Est-ce que par hasard, parfois, tu as manqué le lycée à cause de ça? De quoi? J'ai pas entendu. Est-ce que tu as manqué l'école à cause de ça parfois? Non. Non, donc c'est déjà une bonne étape. Il faut en parler aux adultes et dire que voilà, tu as régulièrement agressé, ça s'appelle du harcèlement. Tu peux faire le numéro SOS Harcèlement, qui est un numéro vert et très intéressant parce qu'il te donne des conseils et il t'explique comment sortir de ça. C'est les adultes qui doivent t'aider à sortir de ça. C'est pas toi qui vas faire ta loi. Parce que, franchement, des mecs qui pratiquent des sports soi-disant féminins, il y en a plein. Non, c'est un prétexte. Oui, bien sûr, non, mais on en parle quand même, Doc. Parce que c'est une réalité, comme tu dis, c'est un prétexte, mais ça en fait partie. Si c'était pas ce prétexte-là, ça serait un autre, sa tenue vestimentaire, sa façon d'être, tous tes motifs. Ah, la réalité, c'est que la moquerie, voilà, c'est une moquerie qui te pèse lourd et qui dure depuis très longtemps. Ça dure depuis combien de temps? Ça dure depuis 2-3 ans. Mais non, voilà, c'est du harcèlement. Il faut que tu ailles voir les adultes. Tu parles à tes parents. T'as quel âge déjà? J'ai 16 ans. 16 ans, tu en parles à tes parents. Il faut qu'ils prennent contact avec les adultes. Il faut que ce groupe cesse de te harceler. Voilà. Et pour ça, il faut mettre un coup d'arrêt. C'est important. Tu dois en parler. D'accord? Marion est avec nous. Elle veut réagir là. 01 42 48 5000. Hein, c'est le numéro pour nous appeler. 24 ans d'Angoulême. Bonsoir Marion. Salut Marion. Bonsoir Thérèse, bonsoir toute l'équipe. Salut Marion, tu entends Clément là, voilà, il fait du patinage artistique. Hein, moi je trouve que c'est plutôt beau gosse. Enfin, je veux dire, il y a plein de mecs qui en font, et les Jeux Olympiques là-dessus. Oui, voilà. Ça ne me choque pas. Ouais, exactement. Toi Marion, tu pratiques aussi un sport, tu voulais dire quoi? Oui, ben moi je fais du foot, depuis que j'ai 5 ans, donc ça fait un petit moment maintenant. Et t'as eu le sentiment parfois que c'était pas un sport pour toi Après, j'ai commencé quand j'étais vraiment petite, donc c'est vrai que je me suis pas trop confrontée à ça, malgré quand même qu'on me dise que j'étais un garçon manqué, parce que j'étais qu'avec mes copains, donc les cheveux courts, les petits maillots de foot tout le temps à l'école. Mais ça te gênait pas, ces réflexions? Non, parce que j'étais enfant, et puis il n'y avait pas de souci. Non, mais le genre, certains sports réservés aux garçons, certains sports aux filles, c'est ridicule. Je dis encore une fois, c'est un prétexte, voilà, n'oublions pas. Après, c'est sûr que j'étais aussi la seule dans l'équipe, donc... Tu es comment? C'est vrai que j'étais la seule dans l'équipe. T'étais la seule fille? Ah bah oui. Ah, tu jouais avec des mecs? Tu t'es tapé l'équipe? Non. À 5 ans, quand même, j'évitais. Hein. Ah ouais, non mais voilà, on peut faire un est-ce sport. Est-ce qu'on, quand on a une fille, est-ce qu'on amortit mieux le ballon avec le torse? Ça c'est très sexiste. Non mais attends, mais comment? Non, mais attends. Si Doc, surpris en flag de sexisme. Non mais pas du tout. Mais attends, les mecs font des amortis avec la poitrine. Est-ce que tu en fais toi ou ça te gêne? Ah moi j'arrive pas. Ah oui, t'arrives pas. Bah il y a des avantages pour les filles. Émilie, notre auditrice du sort, tu veux dire un truc, tu veux réagir? Bah moi je vais te dire à Clément, moi je suis en sécurité dans la vie, donc s'il veut je peux le protéger. Ah, tu vois Clément, hein, on va t'envoyer Émilie, notre auditrice du soir, est-ce que ça te plaît? Ouais, mais c'est gratuit ou pas? Est-ce que c'est gratuit? Non mais tu t'attends à quoi mon pote? Elle va pas non plus te faire une petite pipe, hein, comme on y est. Hein, il manquerait plus que ça. Il y a des réactions sur les réseaux sociaux, Alice. Il y a Stéphane qui nous dit, perso, je fais de la danse et de la gym depuis l'âge de 12 ans, et quand les filles me voient torse nu, ça ne les dérange pas du tout. Ah ouais, et un autre message de Charlène, j'adore le foot, l'escrime et le rallye, et pourtant je suis une vraie fille, donc ça ne veut rien dire. On va rester. Oui, bien sûr. C'est sûr que ça veut rien dire. On va rester en contact avec toi, Clément, pour savoir si ça va mieux et si ta rentrée se passe bien, parce que pour le harcèlement, ça, on laisse pas passer clairement. Hein, ça fait partie des choses qu'on ne veut pas voir et qu'on veut pas entendre dans cette émission, et on essaie de résoudre à chaque fois ce problème. D'accord Clément, donc tu nous tiens bien au courant. Hein. Ok, c'est possible de passer un message? Vas-y, et après tu nous feras un double Axel. Alors en fait c'est pour passer un message à Cécile, donc qui est enseignement standardisé chez vous, c'est pour lui dire qu'elle me manque beaucoup. D'accord, mais elle est là. Elle est là ce soir. Tu vois, elle est venue assister à l'émission. Donc, coïncidence. C'est fou, hein. Eh ben, on va te la passer en antenne. Ouais, on te la passe en antenne si tu veux, d'accord? Ah, chouette. Salut mon poteau. Et dans un instant, on sera avec Cécilia, 20 ans, de Nancy. Bonsoir Cécilia. Salut. Bonsoir Doug, bonsoir Karel, bonsoir Alice. T'appelles pourquoi Cécilia? Bah moi j'ai une question à poser au doc. Avec les rapports avec mon chéri, je sais pas si je suis clitoridienne ou vaginale. On va résoudre ça. On en parle dans un instant après Cachemire et Wildcard, à tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Login Fun. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Allô? Allô? Allô, qui c'est? Ouais, dis-moi, tu sais qui là? Ouais, dis-moi, tu sais qui là? Tu sais qui là? Qui c'était qui là? Tu sais qui là? Qui c'était qui là? Tu sais qui là? Qui c'était qui là? Oh, dis-moi, trop du cul! Qui c'était qui là? Qui c'était qui là? Qui c'était qui là? Qui c'était qui là? Qui c'était qui là? Écoute-moi bien, tu me casses pas les couilles! Bruno dans la radio. Bruno. Reviens demain sur Fun Radio.

Cashmere Wildcard sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love Fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. Pour nous appeler chaque soir, c'est le 01 42 48 5000. On va tout de suite accueillir Cécilia. Elle a 20 ans, elle nous appelle de Nancy. Bonsoir Cécilia. Salut. Oula. Reste bien dans ton téléphone. Bonsoir Doc, Karel. Bonsoir Cécilia. Bienvenue dans Love in Fun. T'es dans ta voiture là, hein? Non, je viens juste d'arriver. T'étais au boulot là, Cécilia? Oui. À 20 ans, tu fais quoi, là? Moi, je m'occupe des personnes âgées, des personnes handicapées. D'accord. Et t'écoutes l'émission, j'imagine, tous les soirs en rentrant. Ah bah, bien sûr. Voilà, quelle idée. Eh bah, bravo, Cécilia. Et tu te poses des questions aussi et tu viens nous les poser à l'antenne. Voilà, j'avais une question. Quand je fais l'amour avec mon copain, je ne sais pas si je suis plutôt vaginale ou plutôt clitoridienne. C'est une question stupide. Non, c'est pas stupide. C'est intéressant. Tu as des orgasmes comment? T'en as pas? Est-ce que tu as des orgasmes avec ton copain? C'est au niveau du pubis? Oui, ça j'en ai, oui. Et dans quelle situation? Lorsqu'il te caresse? Lorsqu'il te pénètre? Quand il me fait un cuni. Bon, donc, je vais te dire, c'est très simple. C'est une notion qui est complètement dépassée, clitoridienne vaginale. C'est un combat d'arrière-garde de vieux machos. Il n'a aucun intérêt. Donc en fait, la zone érogène primaire, c'est-à-dire celle par laquelle la simple stimulation peut déclencher un orgasme, c'est le clitoris et ses prolongements à l'intérieur du vagin, notamment avec ses structures qui vont donc, ça ne se voit pas, mais qui se gonflent pendant l'excitation. Le clitoris, ça ressemble à un petit sexe. C'est tout petit et c'est une zone érogène primaire. Et également, la première partie du clitoris qui est enfouie, oui, qui est en fait le point G. Donc c'est la même structure. Sauf que quelquefois, en général, dans les rapports sexuels avec pénétration vaginale, il y a une stimulation en même temps que des allées et venues, stimulation du clitoris, bien sûr. Mm-hmm. D'accord. Bien sûr, quand la stimulation est directe, beaucoup plus directe, comme le cas avec une langue ou avec un doigt, bien l'orgasme se déclenche beaucoup plus facilement. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Voilà. Donc moi, c'était l'histoire du clitoris. C'est ce que je conseille à ton mec, c'est lorsque vous avez un rapport sexuel, pénétration. C'est qu'en même temps, il te stimule le clitoris, il faut que tu lui apprennes, parce qu'un mec, il n'a pas de clitoris, il ne sait pas s'il faut appuyer, pas appuyer, s'il faut y aller doucement. Donc tout ça, il faut que tu lui apprennes, tu comprends? Pourquoi tu te poses la question, Cécilia? C'est parce que tu n'as pas beaucoup de plaisir? Si, mais du coup, je me posais la question, parce que je pense que je n'ai pas eu de vaginale, en fait. Mais non, mais c'est simplement, on va dire la question autrement, enfin, ta question, je la retourne autrement, c'est lorsqu'on a un rapport sexuel vaginal, je n'ai pas d'orgasme. C'est ça, ton truc? Oui. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'elle voudrait savoir comment avoir un orgasme en pénétration vaginale. Non, c'est pas ça qu'elle veut savoir. Elle veut savoir comment jouir, putain. Eh ben, comment avoir du plaisir, bordel. Elle a des orgasmes. Comment grimper au rideau, Doc? Eh bien, avec le cunnilingus, elle l'a. Avec une pénétration vaginale simple, elle l'a pas. Donc, il faut que pendant la pénétration vaginale, tu demandes à ton copain de stimuler le clitoris en même temps. D'accord? D'accord. Et tu lui apprends. Tout s'apprend. Tu t'es déjà masturbé, n'est-ce pas? Attends, Doc. Comment on apprend à quelqu'un à faire un cunnilingus, Doc? T'as pas compris, là. Avec la main, la stimulation. Ah, la main? Ouais, non, mais attends, c'est mieux avec la langue, quand même. Non, attends. Oh là, je reprends l'histoire parce que Karel. Non, bah, t'as débandé ou pas, là? Non, mais moi, je ne bande pas, Doc. Elle veut savoir. J'ai l'impression que t'es plutôt chaud ce soir. Hein. Non, quand il y a pénétration, elle veut savoir comment elle peut jouir sans cunnilingus. Avec la pénétration lors de l'acte vaginal, d'accord? D'accord, ok. Donc je lui dis, dans l'acte vaginal, avec son petit doigt, il va apprendre à titiller le clitoris en même temps. Voilà, c'est ça, on utilise ses mains. Bah oui, la bouche. Parce que la bouche, elle sexe en même temps. Tu ne m'apprends rien, monsieur. La bouche, elle sexe en même temps, ça va être dur. Ah bah, ça, c'est plus compliqué, je suis d'accord avec toi. C'est d'ailleurs une des positions en levrette, on oublie souvent d'utiliser ses mains. Voilà, exactement, pénétration, oui, tout à fait, là tu peux. Alors voilà, ça aussi c'est important. Pénétration comme ça permet effectivement d'accéder plus facilement au vagin. Au clitoris, pardon. Cécilia, j'ai l'impression que ça va être ta fête ce soir. Bah ouais, je vais tester. Bah ouais, voilà. On fait un bisou à ton chéri, il s'appelle comment? Il s'appelle Jacob. Eh ben Jacob, gros bisous à toi. Et d'ailleurs, j'ai complètement oublié de demander à Émilie, notre auditrice du soir. Émilie! Oui. T'es clitoridienne ou vaginale, toi? Moi, je suis clitoridienne. Ah ouais, donc. Et toutes les femmes peuvent être clitoridiennes, c'est tout. Voilà. Lorsqu'elles disent être vaginales, c'est que le clitoris est aussi stimulé. C'est ça que je veux dire. Faut bien comprendre. Émilie, toi aussi, t'as un copain en ce moment? Absolument pas. Ah, tu cherches peut-être? Bah, pas spécialement, mais bon, après, je suis pas contre de rencontrer l'homme de ma vie, hein, si t'en as quelques-uns en stock. Ah, bah, bien sûr. 01 42 48 5000, Cécilia, tu vas pas raccrocher, on te fait des gros bisous, ma chérie, on va t'envoyer ton petit gros cadeau, d'accord? Merci beaucoup. Et on va accueillir Kevin. Kevin, l'appel à l'aide. Bonsoir, Kevin. Salut Karen, salut le doc, salut toute l'équipe. Salut. Bonsoir Kevin. Salut. T'as 20 ans, t'es à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Kevin? Eh ben en fait, j'ai un gros souci. En fait, ma copine est partie en Thaïlande en vacances et elle m'a laissé son chien. Mmh. Oui. Sauf que cet après-midi, ben en allant le promener, eh ben je l'ai perdu. T'as perdu et le chien? Voilà. Mais c'est pas vrai. Et sans déconner, en fait, Kevin. Kevin. On va s'en occuper dans un instant. On va lancer un avis de recherche là, peut-être là, du côté de. Envoie une photo. T'as pas une photo du chien? C'est Alice va bazarder sur les réseaux sociaux. Ouais. Bazarder, ouais. Ah. C'est ça. On va la mettre. Tu restes avec nous, Kevin. On va récupérer la photo. On va aider ce pauvre chien et on va surtout écouter Galantis là maintenant avec No Money sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Le défi fallait pas demander. L'extension Warcraft a gagné dans un instant. Galantis sur Fun Radio, No Money. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. L'appel à l'aide tous les soirs dans Love in Fun sur Fun Radio. Je vous invite à composer le numéro de téléphone, hein, 01 42 48 5000. Si vous voulez, je sais pas moi, vous réconcilier avec quelqu'un, si vous avez été victime d'une arnaque, si vous cherchez un taf, un logement. On a décidé cette année de se mobiliser, de faire participer tous les auditeurs de Fun Radio pour s'entraider tout simplement. C'est la communauté, c'est la famille Fun Radio. 01 42 48 5000. On a Kevin ce soir qui a besoin d'aide. Putain, c'est pas cool là. T'as 20 ans, t'es à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qui s'est passé là cet après-midi, Kevin? Eh ben en fait, cet après-midi, je promenais le chien de ma copine. Ouais. Qui était parti en vacances en Thaïlande. Ouais. Et du coup, dans le train, elle n'a pas pu prendre son chien. Du coup, elle me l'a laissé. Et en allant me promener à Issoire, j'ai perdu mon chien. Son chien. D'accord. Et j'aimerais... En fait, il a une médaille et tout. Et avec son numéro. Et vu qu'on est en Thaïlande, eh ben, je peux pas essayer de la rappeler. Et j'aurais besoin d'aide pour Donc toi, d'accord. Le chien. Ouais. De toute façon, même elle, ça va pas servir à grand-chose. Non. Voilà. Donc c'était quand, aujourd'hui? Aujourd'hui. Ok. C'est quelle marque, ton chien? Quelle marque? On dit une race, Doc, généralement. Hein. Je dis, c'est quelle marque, ton chien? Oh, bah c'est un Chanel. C'est les Bretons, ça... c'est normal. Comment? C'est les Bretons qui confondent les marques et les... Non, mais c'est tu confonds surtout Doc et moi. Hein, voilà, donc, je répète, arrive. C'est quelle race de chien? C'est un Doganon. Un Labrador, pardon. Ah bah, déjà, ça commence bien. Là, on va le retrouver comme ça. Quelle couleur? C'est un Chihuahua. On me dit que c'est un Chihuahua. Quelle couleur, ton chien? Il est noir. Il est noir. Okay. Il donc, répond à quel nom? Labrador noir. Quel nom? Son nom? Rudy. Rudy. Rudy. Rudy, d'accord. Il a un tatouage, Rudy, quand même. Une médaille, pareil. Ouais, il est pucé, il a une médaille. Voilà. Ah bah, on va le retrouver. Bah, bien sûr. Ah, ça va aller vite, alors. Alors, et donc, tu l'as perdu où? À Issoire, dans le parc. Issoire, dans le parc. D'accord. Ouais. Bon. Tu sais qu'il y a un site qui s'appelle... Enfin, c'est pas un site, d'ailleurs, c'est une page Facebook qui s'appelle Pet Alerte. Pet Alerte. C'est une communauté, il me semble. Et exactement. Ouais, et avec animaux de compagnie. Voilà, c'est ça. Et tous ceux qui ne retrouvent plus leurs animaux mettent une petite photo et tout. Et ça marche plutôt bien, en plus, hein, parce que tout le monde se mobilise, justement. On va essayer de le faire. Donc, chien Labrador noir, c'est Rudy. Oui. Qui est pucé, et tu l'as perdu à Issoire dans le parc, en fait. C'est un mâle, une femelle, ouais. C'est un mâle, on est d'accord. C'est un mâle. Et ouais, Kevin, pourquoi t'es pas en train de le chercher, là? Bah, j'ai essayé, ça fait plus de 4 heures que je viens de le d'accord. chercher, j'arrive okay. pas. Bon, t'es un peu en panique, je peux comprendre. Donc, on lance l'appel, là, et j'espère qu'on va avoir des nouvelles à bientôt. Il faut absolument que tu trouves une photo du chien, hein, parce qu'il ne faut pas hésiter à mettre des petites affiches et mais tout dans la rue. Je l'ai envoyé au standard, normalement. D'accord, bon, bah, on va récupérer la photo, on va la mettre aussi sur la page Facebook de l'émission. D'accord, Kevin? Ok, ça marche. Bon, on te tient au courant, d'accord? Ok, ça marche. Bon courage. Bon, à tout à l'heure, merci. Kevin. J'espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles annoncées là ce soir. Le chien Rudy, à Issoire, dans le parc qui a été perdu. Steven est avec nous, 23 ans de Mont-de-Marsan. Bonsoir, Steven. Salut, Steven. Salut, Karel. Salut, toute l'équipe. Salut, Steven. T'appelles pourquoi, toi? Ben, je vous appelle pour savoir comment perdre mes kilos en trop et ma brioche. Ah, t'as une petite briochine. Tout à fait. Oui, on va faire les calculs, oui. Ah bah faisons-les maintenant. Donc, ah bah d'accord. Ton poids, ta taille. Oh, tu veux prendre un café, tranquille. Non, vas-y. Alors Steven, ton poids, ta taille, s'il te plaît. Alors 1m85 pour 95 kilos. Bon, okay. Ça va, il y a de l'espoir. Ah, j'adore. Franchement, ça va, il a 10 kilos de trop, c'est ça? Oui, ça va se perdre. Même pas. Ça. Oui, bien sûr. En fait, depuis que mon ex est tombée enceinte, en fait, elle n'a rien pris. C'est moi qui ai tout pris, j'arrive pas à ça s'appelle le couvage. Ah, le couvage, Doc. C'est-à-dire que, les mecs, quasiment, vont se coucher, dorment. Tu vois aussi, tu vas te reposer pour que la grossesse se passe bien? Non. Bah si tu grossis, tu te reposes. Ah, Ouais, mais pour ça, j'ai pas... Pendant la grossesse, j'ai pas beaucoup dormi. J'étais chauffeur d'ivoire. D'accord. Très bien. Donc, est-ce que tu as changé ton régime alimentaire? Manger plus de sucre, de gâteaux, grignoter? Non. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'on grossit, Doc? Parce qu'en général, d'abord, il faut qu'on ait une tendance à grossir. Lui, il n'est pas obèse, hein, c'est pas dramatique. Il a un petit excès de poids qui n'est pas dramatique. Mais c'est en général lié à effectivement, une perturbation métabolique. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, ce qui se produit, c'est que vous consommez beaucoup, beaucoup de sucre. D'accord. Surtout pendant l'été, hein, on se lâche avec les glaces. En consommant des sucres, vous sécrétez de l'insuline, ça va évidemment vous créer des fringales et aider au stockage direct des graisses. Donc il faut sortir de la technique de réduire les calories, c'est bien, mais pas n'importe lesquelles. En priorité, les glucides. Déjà, t'arrêtes tous les glucides. Est-ce que tu manges beaucoup de sucre? Ça m'arrive ou quoi? Mais bien sûr, ça t'arrive. Ouais. Du pain, est-ce que tu manges beaucoup de pain? Ah, du pain, non, jamais. Jamais. Mais qu'est-ce que tu manges alors? Parce que du McDo. Sans manger, ça peut être bien. Qu'est-ce que tu bouffes, Steven? Là, en ce moment, je suis surtout aux légumes, quoi. Des wraps, en ce moment. Des wraps aux légumes. Et Écoute, ouais. Si tu manges des légumes mais pas de sucre, pas de boisson sucrée, je pense que tu vas perdre du poids, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, mais les wraps, c'est pas pareil que les légumes, quoi. Ah bah c'est quoi les wraps? Bah, les wraps, c'est genre une faritas avec dedans, t'as de la sauce, t'as des légumes, t'as de la viande. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas pareil que de manger des mais légumes. C'est quoi? Dis-moi là, oh, tu peux pas manger plus simple, non? Hein? Dis donc, tu vas te faire engueuler, Steven. Attention, maintenant qu'il voit ce que c'est un wrap. Non, mais je crois que c'était des légumes à la vapeur, moi. Ah bah non, pas du tout. Ah bah alors, moi, j'ai une question, Doc. Pourquoi, moi, si je bouffe plein de cheeseburgers, je vais pas grossir? Et pourquoi, Steven, parce si je bouffe un wrap? Parce que tu n'es pas programmé. C'est une maladie. L'excès de poids, le grand excès de poids, l'obésité, n'importe qui ne peut pas être obèse. Il faut une prédisposition, en quelque sorte. Donc ça, c'est la réalité. Il y a aussi la musculation qui peut être pas mal pour perdre du poids. Oui, mais tout exercice physique, peu importe lequel. Alors, est-ce que tu fais des exercices physiques? Oui, je fais du handball. Ok, t'as un indice de masse corporelle à 27, ce qui n'est pas dramatique. C'est quoi l'indice de masse corporelle, Doc? C'est un rapport poids-taille. Rapport poids-taille. Qui permet de voir si t'es en excès 25, il faudrait que tu sois en dessous de 27. À 27, c'est pas grave. Voilà, ce que tu peux faire, c'est ne plus consommer de plats en sauce avec des farines, avec tout ce qu'on veut. C'est bon, Doc. Oui, bien sûr, c'est bon, ça fait grossir. Ne plus consommer de pain et de sucre, et consommer éventuellement des protides, des légumes éventuellement, et pas non plus trop de fruits. Et là, je suis sûr que ça va se réguler. Tu comprends ou pas? Ouais. Hein, parce qu'en plus, c'est pas dramatique, ton excès de poids va pas... Hein, ok. Alice, toi, Steven, écoute les conseils d'Alice, qui a un corps parfait. Bah, voilà, ça se saurait. T'es super bien gaulé. Cassim rigole quand tu dis ça. Quel est ton secret beauté, ton secret minceur? Bah justement, je le cherche encore, le secret minceur. Mais je pense que de toute façon, il est en bonne voie, là. Il est prêt pour maigrir, il fait une activité physique, il fait attention à ce qu'il mange. Donc, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Faut se bouger, faire attention à ne pas manger trop de conneries. Manger, bouger. Ouais. Oui, c'est ce qu'on dit, sur tous les sucres. Vraiment zapper tous les sucres. D'accord, Steven. Et ça vaut pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent faire une rentrée au top de leur forme. Hein, on vous fait des gros bisous. Steven, tu restes avec nous, d'accord? C'est bien, ça marche. Salut. Merci. Salut, mon Steven. Salut. Aline et Aline? Oui. Bah alors, salut, ça va, Aline? T'as 21 ans, t'es de Lyon, toi? Oui, bonjour. Salut, Jacques. Salut, Alice. Salut. Salut. Bonsoir, Aline. T'appelles pourquoi? Eh ben, j'appelle parce que j'ai rencontré mon copain dans un endroit insolite. Ah, t'as rencontré ton mec dans un endroit insolite? D'accord. Eh ben, on va rencontrer ton téléphone dans un instant. Insolite aussi, tu restes avec nous. Juste avant, on va mettre à fond Martin Garrix. You're blind in the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all Martin Garrix, In the Name of Love sur Fun Radio. Jusqu'à 22h. In Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 01 42 48 5000. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Ouais, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler chaque soir dans Love in Fun. 01 42 48 5000. On a aussi Facebook, on a Twitter, on est partout sur Snapchat, Instagram. Vous pouvez nous retrouver bien sûr avec des photos, vidéos. Sur le YouTube aussi, on vous a mis la vidéo de Doc qui a demandé Katoche en mariage. Ah bah voilà, très bien. Amis, du défi fallait pas demander avec Alice qui fait la grosse peste. La grosse peste, voilà. Pour être poli. Hein, pour pas dire autre chose. Allez mater, franchement c'est super drôle. Vous allez vous taper des barres en matant tout ça. Et on lit vos messages là, c'est parti. Alors pas mal de messages en plus. Hein. Et ouais, un message de Tatiana, toujours un plaisir de vous retrouver. Je faisais la gueule parce que j'ai fait ma rentrée, mais depuis 20h j'ai retrouvé le sourire avec vous. Ah et ouais. Un autre message de John, je viens seulement de découvrir qu'on pouvait vous voir en live sur le site de Fun. C'est terrible, est-ce que vous pouvez me faire un coucou? Absolument, d'ailleurs j'ai reçu un message. D'un auditeur qui on fait coucou là, un auditeur qui me dit est-ce que Cécile du Standard l'année dernière t'a montré ses seins? Oui, absolument, puisque Cécile travaillait avec nous l'année dernière. Ouais, elle nous l'avait promis. Mais je peux vous dire qu'il a maté dur. Ah bah attends, même, il y a une pointe de toucher. Un petit toucher. Elle nous avait dit le jour où je fais ma réduction mammaire, je vous montre mes seins. Elle est venue comme ça, elle m'a montré. En fait, t'étais pas obligé de lui ploter quand même. Ah mais c'est pas vrai ça. Monsieur, ce n'est pas vrai. Il y a une auditrice qui l'a dit. Émilie, notre auditrice du soir. Oui. C'est quand même bien de tenir sa parole. Tu crois pas, toi? Exactement, elle a eu raison de venir te montrer ses seins. Ah ben. Et Émilie, on va parler des rencontres insolites. On accueille Aline là tous ensemble, 21 ans de Lyon, qui a rencontré son mec en fait au McDo. Tu vois, c'est vrai que généralement tu rencontres pas ton mec au McDo. Alors on a un petit problème avec elle. On va accueillir Amandine. En attendant, Amandine, elle est de Mont-de-Marsan. Salut Amandine. Salut tout le monde. Salut Amandine. N'hésitez pas à nous dire si vous avez rencontré voilà la femme de votre vie. Ou le mec de votre vie dans un endroit insolite. Amandine, toi tu l'as rencontré où ton mec? Un concours de chant. Un concours de chant, c'est-à-dire? Ouais. C'est drôle. C'était quoi? C'est-à-dire que ma sœur chante depuis des années par passion et du coup elle a voulu faire un concours de chant. Donc j'ai accompagné et là il y avait un beau jeune homme accompagné de sa petite chorale et étant trop timide en fait j'ai envoyé une copine à moi le draguer. Ouais. Et une fois qu'on a récupéré le numéro de téléphone, et on s'est contacté pendant un an. Et là, ça fait 12 ans qu'on vit ensemble et 8 ans qu'on est mariés. D'accord. Et une vraie belle histoire, quoi. Ouais, deux enfants. Ouais, ouais, c'est cool. T'es heureuse? Oui. Et tu chantes maintenant? Ah, moi, je chante toujours pas parce que sinon, il dit toujours la même chose. Hein. Lui, il chante toujours aussi bien, par contre. On a Benji qui est là. Dites-nous, est-ce que vous avez rencontré votre mec, votre nana, là? T'es là, Benji? Salut, Benji. Benji, t'es à Pontivy en plus, je connais bien Pontivy, c'est en Bretagne. Benji? Ah, il était là. Ah, bah ça c'est les lignes en Bretagne, des fois ça a du mal à capter. Alice, il y a des réactions sur les réseaux sociaux. Il y a Arnaud qui nous raconte qu'apparemment il a rencontré sa copine dans un embouteillage, donc en fait c'était la voiture juste à côté, et il se faisait des petits regards, et au bout d'un moment elle a fini par lui filer son Facebook, et maintenant ils sont ensemble depuis quelques années, donc c'est assez drôle. Vive les embouteillages quand même. Et ouais, dans les embouteillages, apparemment ils ont passé une heure l'un à côté de l'autre. Et Mélanie qui nous raconte que son mec actuel, elle l'a rencontré aux pompes funèbres. Elle dit ça paraît un peu glauque, mais c'était un moment vraiment fort pour nous, donc comme quoi on peut se rencontrer vraiment partout, quoi. Ah ouais, non. Et Émilie, tu nous as dit que t'étais célibataire, notre auditrice du soir, mais est-ce que tu as déjà pécho à un mec dans un endroit en particulier, toi? Non, pas spécialement. J'ai pas eu des trucs aussi bizarres que... Où est-ce que t'as rencontré ton dernier mec, par exemple? Ah, c'était en boîte. Ah, c'est rien d'exceptionnel, quoi. Donc tu sors avec les mecs que tu rencontres en boîte? Non, mais j'avais été voir en boîte parce que je visitais Paris, justement. Donc, je me suis dit, il faut que je voie la vie parisienne la nuit. Ouais. Et voilà. D'accord. Et là, tu l'as rencontré là-bas. Ça a duré combien de temps? 2 ans et demi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est trop compliqué. Après, il m'a trompé et tout ça. Donc, oh, les salauds. Voilà. Tous des salauds, putain. Exactement. Tu vois ce qui t'attend, Doc, si tu fais une connerie avec Katoche? Hein? Ouais. Hein, tu vois ce je qui t'attend? Je fais aucune connerie, moi. T'es sûr? Tu l'as rencontré où, Katoche, Doc? J'ai déjà dit, alors, pas la BT, sur à peine. Sur Appen, d'accord. Non, mais la première rencontre, je veux dire. Ah, c'était dans la rue, tout simplement. C'est dans la rue. Sur les bords de la... Elle m'a demandé 50 euros. Et j'ai dit non, oui. J'ai dit c'est un peu cher. On s'était donné rendez-vous, bien évidemment. Ah, bien sûr. Anaïs. Et on a marché et parlé. Anaïs, 28 ans de Lyon. Bonsoir, Anaïs. Salut, Anaïs. Salut, toute l'équipe. Bon, bonsoir, ma chérie. Tu as rencontré ton mec, toi, dans un endroit en particulier? Eh ben, ouais, c'était un mariage. Ah, il paraît que ça arrive souvent, ça. Ah, bah oui. Pendant un mariage. Ouais. Les mariages attisent les mariages. Enfin, on s'y attendait pas. Et t'as eu le bouquet? Non, même pas, en fait. C'était un peu un coup de foudre. Raconte. C'était le marié? Non, heureusement, c'était pas marié, mais j'aurais bien piqué quand même. Non, aussi. Ah ouais. Non, mais c'était difficile de se rapprocher, tu vois, quand t'as toute ta famille autour de toi. Ouais, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte, t'es au mariage et là, tu... Je suis rentrée dans l'église et puis on a échangé un regard et puis voilà, quoi. Genre, la prochaine fois, c'est nous. Ah, au mariage, ouais, c'était qui? Ouais. C'était un copain? C'était quelqu'un de la famille? C'était une connaissance à nos familles respectives. Ah d'accord, très bien. Et aujourd'hui, t'es toujours avec? Ouais, mais alors ça a été un peu insolite toute notre rencontre. Parce qu'après, peu après, tu vois, on s'est perdu de vue. Ouais, d'accord. Et nos retrouvailles ont été insolites puisqu'il m'a emmené faire un tour en moto. Ouais. Et on a eu un accident. Ah, génial! Et alors, qui était blessé? On a fini aux urgences, tu vois, lui avec une fracture ouverte de la rotule. Ah, et voilà. Sympa. Et du coup, a appelé nos parents vers 1h du matin pour leur dire. Qu'en fait, il n'était pas parti tout seul faire un tour de moto, que j'étais dessus avec lui, et voilà. Quoi, et toi, t'avais quoi? Toi, t'avais quoi? Moi, j'ai pas eu grand-chose, une entorse et puis des équipes. Parce qu'il a voulu frimer. Ouais, c'est ça. Mec, c'est la bêtise, genre une petite roue arrière. Même pas. C'était dans un virage où il y avait plein de cailloux et bim, la moto. Faut qu'il apprenne à conduire. Ça, c'est et tu remontes plus à moto avec lui, là. Ah, faut pas lui dire. Ah non, je remonte plus. Bah, si, je lui dis bien sûr que si, je lui dis. Sa moto, elle me déteste. Ah, attends, Doc est un motard, attention, il roule en Harley Davidson. Glisser dans un virage, c'est que le mec s'est pris comme un manche. Ah. Même s'il y a des gravillons. Ouais. Non, on est passé dans le journal avec ça. Ah bon? Ouais. Tu seras notre star ce soir, Anaïs. C'était un gros cube? Non, ça va, c'est une petite page. Ah, une petite moto, ouais, c'est pour ça. Moi, je ne conduis que des grosses motos qui vont avec mon gros engin. Anaïs, on te fait des gros bisous, ma chérie. Merci d'avoir réagi. Salut. On va parler du chiffre d'Alice dans un instant. Tous les soirs, un nouveau chiffre. On apprend plein de trucs grâce à Alice. Ce soir, on parle de quoi? On va parler tricherie parce que ça y est, c'est la rentrée. On reprend les cours. Bravo, on reprend les bonnes habitudes. Et voilà, il paraît que vous êtes beaucoup, beaucoup à avouer avoir déjà triché en cours. Donc on s'est posé la question, est-ce que vous avez déjà triché? Et surtout, est-ce qu'on vous a gueulé, quoi? Ah ouais. Venez nous raconter là, les petites techniques, anecdotes. Les astuces, il y a des gens qui ont des techniques de ouf pour tricher. Comment est-ce qu'on fait pour gruger, pour bien gruger pour cette nouvelle année? Voilà les conseils de Love in Fun. On va revenir avec Major Lazer, avec Boom sur Fun Radio. Tous les soirs, on est en direct sur Fun Radio. Love in Fun jusqu'à 22h. À tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Fun Radio présente L'Inox Park. Sur l'île des impressionnistes de Chatou. Samedi. À partir de 16h. Fun Radio vous fait vivre l'événement. En direct avec JB, Mika, Adrien Thomas et Miko C. Retrouvez les interviews et les mix des plus grands DJ de la planète avec Nervo, Don Diablo, WNW. Hi, it's Chucky. Tujamo. Salut les Space Invaders, c'est Joachim Garraud. Et beaucoup d'autres. Inox Park. L'Inox Park. En direct de l'île des impressionnistes de Chatou. C'est exclusivement avec Fun Radio. Prêt pour le grand voyage? Les sons d'Enfleur. C'est cette année? Oui, j'appréhende la rentrée. Tout est prêt, cartable, cahier, crayon. J'ai tout prévu, ça coûte. Et pour l'assurance scolaire? C'est la Matmut. Pour l'entrée en maternelle ou en CP, c'est 12 euros par an. C'est un bon départ pour les petits, la Matmut. Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première rentrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. Ben Hur. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Ben Hur. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Ben-Hur, un choc visuel. Un spectacle total en 3D. Gagne la course. Gagne notre liberté. Le 7 septembre au cinéma. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio. Fun Radio. Sur funradio.fr. Let's go. Fun Radio. Fun Radio. She said, konnichiwa, kwa. She said, bande my French friend. I said, bandu madafla. Then she said, sabate. And I said, naboule. No matter where I go, though, you know I love them all. Fun Radio. Le son dance floor. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade en Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris, Paris, Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Ensemble tous les soirs sur Fun Radio, Love in Fun, 01 42 48 5000. Je m'appelle Karel. Doc est avec nous, ouais, chaque soir. Comme toujours. Notre expert, notre médecin, notre pédiatre, notre homme de science. Et Alice, bien sûr. Salut. Ça va, Alice? Bah ouais, ça va. Toujours aussi pétillante. Oh, merci, ouais. Karel. On va accueillir Célia. Célia, 22 ans, de Bordeaux, dans Love in Fun. Bonsoir, Célia. Bonsoir, Karel. Bonsoir, le Doc. Bonsoir, salut, Alice. Célia. Salut. Ok, alors, Célia, je te présente Emily, c'est notre auditrice du soir. Bonsoir, Emily. Salut, Célia. Elle fait de la radio avec nous là pendant les deux heures. C'est nouveau d'ailleurs dans l'émission pour ceux qui viennent nous rejoindre. D'ailleurs, on souhaite la bienvenue à tous les nouveaux auditeurs qui se branchent peut-être pour la première fois sur Fun Radio. Ici, vous pouvez même venir faire de la radio avec nous pendant deux heures par téléphone ou même dans le studio. Hein. On en a eu une, c'était Léa hein, qui ouais. est passée voilà, pendant deux heures avec nous, là, qui a fait l'émission. Célia, qu'est-ce que tu voulais savoir? Eh ben, moi j'ai un petit souci parce que j'ai mon homme qui me demande de plus en plus souvent un striptease, mais le problème c'est que ben je sais pas trop comment m'y prendre parce que je sais pas trop danser. Ouais, j'ai peur d'avoir l'air ridicule en fait, je sais pas trop. Ah non, mais t'es pas ridicule. Donc, à faire un striptease. Conseils. Ben je voudrais avoir des conseils du coup parce que ben, je sais pas trop danser, donc du coup j'ai pas envie d'avoir l'air ridicule, je sais pas trop comment faire. Célia, ne t'inquiète pas, ça c'est un sujet pour le Doc, parce que Doc il fait souvent des striptease, hein, j'en suis sûr, Doc. Non mais c'est vrai qu'il faut être à l'aise avec son corps pour faire un striptease, je pense qu'il y a un peu de ça. Bon, il faut se déshabiller. Bah, pourquoi tu te poses cette question? Parce que c'est pas... Mais attends, globalement t'as peur d'être ridicule devant ton mec? Ben c'est ça, ouais, enfin je sais pas... Faire un striptease, enfin, moi, je me sens pas capable. Enfin, c'est pas... J'ai peur d'avoir l'air ridicule, en fait. Émilie, notre auditrice du soir, est-ce que tu as déjà fait un... Tu t'attendais à cette question, hein. T'as déjà fait un petit striptease à ton mec ou pas, toi, Émilie? Bah, venant de papa, ouais, je m'y attendais. J'en ai déjà fait un. Alors, comment tu t'organises pour faire un striptease? Bah écoute, tu mets un petit peu de musique, tu suis le tempo et après... Attends, on met un petit peu de musique. T'es dans ta voiture, là? Oui, là, c'est dans ma voiture. Ok, alors tu vas nous faire vivre ton striptease en direct. Et je veux que tu le fasses, hein. Et ça, alors là, je commence à enlever mon t-shirt, Karel. Ouais. Et je commence à dégrafer mon soutien-gorge. Oh putain. Oh putain. Bah, pas trop vite, parce que il va éjaculer. Je commence à enlever un bouton, ouais. Pantalon. Ok. Le deuxième. Ouais. Je commence à le descendre tout doucement, en bougeant un petit peu mon corps, comme ça. Waouh. Waouh, j'ai chaud, j'ai chaud. Et après, voilà, j'enlève le reste et je suis à toi, Karel. Oh putain. Bon, ben, on vous laisse, hein, ça. Tu vois, Célia, c'est de l'érotisme, c'est une façon d'être, je pense, hein, non? En tout cas, j'ai eu l'impression d'avoir vécu le truc, vraiment. C'était le but. Ah bah bravo Émilie. Alice. Oui. Est-ce que tu es une spécialiste du striptease? Je dirais pas une spécialiste, mais ça m'est arrivé et je pense qu'il faut pas se focaliser sur qu'est-ce qu'il va penser de moi. Parce que finalement, tu peux être la meuf la plus bonasse du monde, si t'as pas confiance en toi, ça se verra et t'auras l'air d'une conne en fait. Non mais c'est vrai. Et après, le choix de la musique, je pense qu'il est, il est assez important aussi. C'est-à-dire que si tu mets un truc un peu à base d'accordéon, ça... Non. Ouais, non, t'évites, tu vois, les Sébastien Patoche, tout ça, non, ça s'appelle moyen. Mais quand il pète trop son slip, ouais, non. Tu fais pas. Donc je pense que la musique et la tenue aussi. Et il faut avoir des trucs à enlever, parce que si t'arrives et que finalement t'as enlevé ta robe et que c'est fini, bah t'as l'air conne là aussi. C'est vrai. Alors, du coup, est-ce qu'on peut utiliser des costumes peut-être pour Célia? Ah bah ouais, carrément. Pocahontas. sans forcément aller jusque là, mais elle peut très bien aussi avoir plusieurs couches de fringues un peu sexy et avoir plein de choses à enlever en fait. C'est ça le truc d'avoir le porte-jartel, les bas, qu'elle puisse avoir beaucoup de choses un peu sexy à enlever au fur et à mesure. Et comme disait Doc, c'est de pas avoir peur quoi, d'être. C'est ça. Oui, je pense que tu pourrais t'entraîner toute seule déjà. Ouais. Mais fais une vidéo. On te dira si c'est bien. Il faut répéter toute seule devant la glace, ok? Ouais. Tu ne seras certainement pas ridicule. Quand tu l'auras fait une fois, tu le feras facilement devant lui. Imagine que c'est toi la star et c'est ton clip. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, tu t'en fiches parce que dans tous les cas, bah, lui, il sera à fond parce que tu lui fais un striptease, quoi. Et je peux t'assurer, enfin voilà, je parle au nom de tous les mecs, hein, ta meuf te fait un striptease, même si c'est dégueulasse le striptease, t'es quand même bien content. Ça se finit souvent bien. Ah ouais, non, franchement, c'est vrai que ça. Enfin voilà, c'est un truc qui est hyper excitant, quoi. Célia? Oui. Je te fais confiance. D'accord, Karel. Bah écoute, je vais essayer de faire au mieux alors. Ton mec nous rappelle dans une semaine et nous raconte, d'accord? D'accord. Et bah, tu peux passer le message alors. Et tu lui demandes d'en faire un lui aussi. Ah ouais. Non. Putain, les striptease de mec. Ah non, mais ça y a pas de souci. Ça il le fait. Bien sûr, les filles adorent ça maintenant. Lui il le fait lui. Oh. Alors attends, parce que là on tient un truc là. Doc il nous lance sur les striptease de mec. Il nous dit que les filles adorent. Les filles aiment beaucoup, hein, bien sûr. Non, mais toi, il y a des filles qui prennent ça pour leurs anniversaires. Des mecs qui viennent faire des striptease. Bah oui. J'ai vu ça. Je te verrais tellement faire un striptease à Katoche avec ton petit string ficelle là. Là tu serais tellement. Qui dit que je l'ai pas fait avec elle? Ah non. Oh putain. Oh là là. Avec le stéthoscope autour du cou. Et sa blouse. Genre il enlève sa blouse. Grave. Ah putain. Ah non mais tu sais quoi, on va appeler Katoche ce soir. Ouais. On va appeler Katoche ce soir, on va lui demander s'il a déjà fait un petit striptease. On le fait ou pas, Doc? Tout à l'heure, on va voir. Ah. Célia, je te fais des gros bisous. Merci ma chérie. Tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Pas de soucis, bisous tout le monde. Salut, salut, salut. Hugo est avec nous. Hugo, 18 ans d'Épinal. Bonsoir Hugo. Salut Karel, salut Doc. Salut. Salut. Hugo, défi fallait pas demander, la nouvelle extension de World of Warcraft. Légion a gagné, mais d'abord, une question à poser. Tu vas appeler qui toi? Je vais demander à ma mère si mon père est à bon coup. Je rappelle que le but c'est d'énerver la personne qu'on appelle et je pense que t'as choisi la bonne question. Bon. On le fait dans 3 minutes sur Fun Radio. Vous bougez pas, c'est Love in Fun tous les soirs et voici Major Lazer. C'est boom. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. I met her at Playhouse. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though? We got champagne and vodka. Goons with me if they need a pile of. Fuck niggas, hate real niggas, get money. Get money. All motherfuckin' day. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'm smashing. We'll come home, we pass it. sash, Matty Rider. Break a cup. She a make bag and eyes, me no even give a fuck. She a swan lot of sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other, other. Man a gal is, I'm a stunter forever. Major Lazer, boom sur Fun Radio. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Et c'est énorme tous les soirs avec le défi Fallait pas demander, vous venez poser des questions qui énervent, qui agacent. Et c'est pour ça que vous repartez avec des gros cadeaux toute la semaine là, on vous offre la nouvelle extension de World of Warcraft, Légion. Elle est peut-être pour Hugo qui est avec nous, 18 ans d'Épinal. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Salut. Ah, ça va pas être facile hein. Ça va pas être facile pour toi mon Hugo, parce que la question que tu vas poser, c'est chaud quand même. Raconte. Ouais. Bah, je vais demander à ma mère si mon père est à bon coup. Ah bah oui, hein, parce que t'as des doutes peut-être. Bah peut-être oui. Allez, c'est parti Hugo. Vas-y. Maman, est-ce que papa est un bon coup? Il y a des chances. Allez, que tu l'énerves. Allez, c'est parti Hugo, on appelle tout de suite. C'est Mireille ta maman hein. C'est ça. On embrasse très fort toutes les Mireilles qui nous écoutent. Elles sont pas nombreuses je pense. Allô? Ouais maman. Oui. Ouais, je voulais te demander si papa c'était un bon coup. Ah pourquoi c'est des conneries? Ben non, parce que papa c'est un bon coup. Attends, qu'est-ce qui se passe encore? Ben, je te demande si papa c'est un bon coup ou... Hugo, je suis perturbé complète là. Quand t'as fait ta première fois, ça a fait mal ou ça a glissé tout seul? Pourquoi tu me poses des questions comme ça? Ben, parce que je veux savoir, ça m'intéresse. Fin... Bah pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi? Tu voudrais pas te taper un petit jeune, il y a de mes potes qui te trouvent bonne. Et il délire complet, comme là. Hein? Bah, il me demande si t'as un bon coup, si Yann, c'est que si t'as un bon coup, si j'ai eu mal la première fois de toi. Et puis là, il y a un de ses potes qui veut coucher avec moi, je suppose qu'il me raconte. Ah ouais, j'ai trop envie. C'est qui les conneries là? C'est quoi les conneries là? Bah c'est ce que je veux savoir, c'est tout. Bah, passe-moi ta maman, faut que je lui parle. Allô? Allô madame? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est Mireille? Oui. Oh Mireille, qu'est-ce que t'es belle. Mais qu'est-ce que c'est des conneries là? Oh Mireille, tous les soirs je pense à toi. Ah ouais. Ça, si ça te fait du bien, ça, tant mieux. Hein. Mireille? Oui? Je masturbe en pensant à toi. Ah ben tant mieux. Branle-toi mais plusieurs fois. Hein. Ah oui Mireille, continue. Ouais, vas-y. Ah oui Mireille, continue. Vas-y, dépêche-toi. Oui, c'est bon. Je sais pas c'est qui. C'est Hugo, mais je sais pas c'est qui. Mireille. Oui. T'es avec qui? Je vais raccrocher. Oh non, Mireille, raccroche pas. Pourquoi? Raccroche pas, sinon je saute. Tu sautes quoi? Je te saute. Oui, bah viens, je t'attends. Tu sais où j'habite? Ah oui. Ouais, bah viens tout de suite, dépêche-toi. Je t'attends. Non, je viens pas parce qu'il y a ton mari. Mais non, il dira rien, il regardera. Vas-y, passe-le-moi. Allez, viens, t'as de la gueule, viens. Ouais, t'as de la gueule, tu vas voir, je vais débarquer. Et je vais te prendre, en levrette. Tu veux me prendre en levrette? Vas-y, je t'attends. Ah, ton mari est d'accord? Hein? Ton mari est d'accord? Oui, mon mari est d'accord, ouais. Comment il s'appelle? Raymond. Oh, Raymond, oh, j'adore. Ah bah, si t'adores Raymond, bah tu pourras te taper aussi, si tu veux. Oh bah, on fait un plan en trois? Ah bah on peut faire un plan à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, à 8, à 9, à 10. Comme tu veux. Une partouze ? On bah est... n'importe qui, n'importe. Oh Mireille. Allez, tu me rentres, je t'attends là. Mireille, je suis avec des amis, si tu veux, on débarque tous chez toi. Si tu veux. D'accord, je suis avec une copine, elle s'appelle Alice. Salut ah Mimi. Je suis avec un pote, il s'appelle Doc. Je suis avec mon réalisateur, il s'appelle Godefroy. Je suis avec Cassim le producteur. Et Mireille. Oui. On est tous là. Et on arrive chez toi. D'accord. Mireille, pas de soucis. On va te faire ta fête. D'accord, pas de soucis. T'es heureuse, Mireille ? Ah oui, très heureuse. Et ben, ah ouais. Et ben Mireille, t'es en direct sur Fun Radio, Mireille. Non. Si, dans toute la France. Non, mais si, n'importe quoi. Mais si, Mireille. Eh ben si, t'es en direct. C'est ton fils, ton fils. Oh, tu connais Hugo, c'est pas le dernier à faire les conneries, hein. Bah oui, c'est mon fils Hugo. Bah oui, bah il t'a piégé. Il t'a piégé parce que il voulait gagner absolument sa nouvelle extension de World of Warcraft et on peut lui dire que c'est gagné. Bravo. Oh, ouais. Super. Oh non, il m'a fait marcher, hein, fils. Oh non. Ah mais on a remarqué que vous étiez d'accord pour tout, hein. Ah ben bah oui, ah Mireille. Écoutez, je suis ouverte à tout, hein. Ah bah oui, on a. Envoie Karel. Allez, fantastique. Ah hein. Oh, je suis obligé de décommander, Mireille. Mais c'est pas grave, on remet ça une autre fois. Y a pas de souci. Eh bah, on embrasse Raymond quand même, le papa qu'on entendait derrière. Oui, hein. Non mais Raymond aussi est ouvert à tout, donc ah y a bah. Pas de problème, hein. N'hésitez donc, pas. Dis donc, Hugo, mais... on s'éclate dans la famille, j'ai l'impression. Là, je suis dans la merde. Ah ben. Bah... Ouais. Ah Hugo, je t'aime. Ah, oh, c'est mignon. C'est magnifique. Aussi. On vous fait des gros bisous à tous là, Mireille, ouais, Raymond, merci. Hugo, salut. Salut, salut, salut, salut, merci, on fait le radio. Fallait salut. Pas demander. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Sur Fun Radio. Tellement de bonne humeur, cette Mireille. On l'embrasse, Mireille. On va tout de suite parler des retards. C'est ça, t'as reçu un message, Alice. Ouais, un message d'Adrien qui s'est réveillé vraiment, vraiment à la bourre ce matin. Du coup, il a loupé sa rentrée et il a peur d'être mal vu par ses profs. Donc, il se demande s'il y a d'autres personnes dans sa situation qui sont arrivées en retard au mauvais moment, quoi. Les retards au mauvais moment, dites-nous si ça vous est déjà arrivé. Ça arrive à tout le monde. 01 42 48 5000, mais parfois ça peut avoir des conséquences. Ah bah oui, peut être collé, oui. On en parle dans un instant. Voici Jonas Blue, Perfect Strangers sur Fun Radio. C'est Love in Fun tous les soirs. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? You to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Jonas Blue sur Fun Radio. Avec la sécurité routière, suivez les aventures d'Alice qui passe son permis dans Love and Fun sur Fun Radio. Love and Fun. Ça y est, c'est le grand retour. Oui. Le grand retour. Alors c'est incroyable parce que c'est vrai que tout le monde se sent concerné par ton permis, Alice. Exactement, je reçois beaucoup de messages de gens qui passent le code, qui sont en train de passer le permis, tout ça, donc je vous encourage. On vous donne des nouvelles du permis d'Alice. On avait lancé ça la dernière saison. Exactement. Et alors on en était resté sur avant les vacances, ouais, où Alice avait eu son code. Ouais, je venais d'avoir mon code. Du premier coup. Ouais. Combien de fautes ? Deux. Deux fautes, voilà, nickel et tout machin, bon élève, bravo. Alice qui avait posté plein de photos, même quand on avait été à Ibiza et oui, tout. Oui, j'arrêtais pas. Hein. Passé ton temps à bosser et tout machin, donc ça a payé. Ouais. Pendant cet été, qu'est-ce que t'as fait, Alice ? Bah écoute, là j'ai eu donc mon code il y a deux mois. Cet été, je suis passée en conduite supervisée, donc après mes 20 heures de conduite. Donc maintenant, je conduis un peu avec mes parents pour me perfectionner avant le passage du permis. Voilà. Donc voilà. C'est prévu déjà ou Non, pas encore prévu, mais ça va arriver vite. Donc voilà, mes parents sont en gros flip, il y a du papier bulle autour de la voiture, c'est une horreur. On est monté avec Alice une fois, on ne remontera pas une deuxième non, fois. Non, c'est pas vrai, dites pas ça. Quand j'aurai le permis, je vous inviterai. Bon, après quelques temps, bien sûr, d'adaptation. Les vidéos d'Alice qui conduit sur la page YouTube, bien sûr, de l'émission. Et alors, d'ailleurs, je rappelle qu'on va continuer aussi la grande opération, le quiz sur le site de Fun, funradio.fr. Si vous voulez gagner, 1000 euros pour payer une partie de votre permis de conduire. C'est quand même sympa, hein. 1000 euros à gagner, là, très bientôt, sur le site de Fun, funradio.fr. Merci Alice. Mais je t'en prie, Karel. J'espère que tu vas l'avoir. J'espère aussi. Je n'en doute pas. On va parler des retards au mauvais moment. Il y a plein de réactions. Il y a des retards qui peuvent avoir des répercussions dans notre vie. Là, t'avais reçu un message en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? Un message. Bah en fait, Adrien, il s'est réveillé tellement à la bourre qu'il a totalement loupé sa rentrée. C'était pas 10 minutes, 20 minutes. C'est que le mec, au final, n'a pas été. Donc il est en gros stress parce qu'il se dit que il va se faire super mal voir par les profs, par tout ça. Donc il se dit c'est vraiment pas le moment pour être à la bourre. Donc est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été dans cette situation et comment ils ont fait pour s'en sortir ? Le premier jour, il se passe rien à l'école. Il y a pas ce souci. Plus que ça, il fait un mot de ses parents, donc il est malade. Point. Voilà, c'est ça. Donc, si t'as besoin, Doc va te faire un petit mot du médecin. Pas prendre la tête, là, il n'y a pas de raison. Bah oui, je pense. C'est pas, voilà. Sophie est avec nous. Elle a 21 ans de Toulouse. T'as le droit d'être malade aussi. Bonsoir, oui, Sophie. Bien sûr, tout à fait. Bonsoir. Ça va, Sophie ? Ça va et vous ? Tu nous écoutes depuis longtemps, Sophie ? Oh, un petit moment, ouais. Eh bah, bravo à toi. Félicitations, Sophie. Tu es avec nous, là, sur Fun Radio. Tu voulais réagir. T'as déjà eu un retard un peu chiant, toi ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était mon premier jour d'entretien, enfin de job. Ouais. C'était en tant qu'animatrice. Du coup, j'ai une demi-heure de retard. D'accord. Et alors, comment ça se passe quand t'as une demi-heure de retard? Le mec, il t'attend? Je suis arrivée, donc je me suis pointée quand même 10h30. Hein. Oui. Et j'ai ma chef qui m'attendait depuis une demi-heure. Mmh. Et elle me dit t'es en retard. Donc, du coup, j'avais toutes mes collègues en réunion. Donc, je suis arrivée en mode toute petite. Et j'ai pris une chaise et je me suis calée au fond. Mais je me suis remarquée dès le départ. Et depuis, tu as été licenciée peut-être? Non, même pas. Non, c'est moi qui suis partie. Ça peut arriver, une panne de réveil. Et surtout quand on a perdu les habitudes là, pendant les vacances. Adrien, t'es là? Salut Adrien. Salut Adrien, t'as 19 ans. Salut l'équipe, ça va? Bonsoir, ça va bien et toi? Ça va super. T'as 19 ans, t'es à Grenoble? Ouais, c'est ça. Alors raconte-toi. Moi, du coup, je fais des études d'infirmier. En fait, dans le cadre des études d'infirmier, on a des stages à faire. Et puis, l'année dernière, il a fallu que je me présente à un stage. Sauf que, manque de vol, j'ai super mal planifié mon truc. Le bus m'a pas du tout arrêté là où il fallait que je sois. Du coup, je me suis complètement perdu. Et finalement, j'ai paniqué. J'ai appelé deux ou trois fois l'hôpital pour dire que je serai en retard. Et du coup, je suis arrivé 40 minutes en retard. Donc forcément, moi qui suis de nature un peu timide, je ne l'ai pas ramené vraiment. Et puis c'est vrai que sur la suite du stage, ça n'a pas eu d'énormes conséquences. Mais c'est vrai que je sentais un peu le froid de certains d'équipes qui avaient mal jugé ce retard. Et puis c'est vrai qu'en fait, à la fin du stage, il y en a certains qui ont carrément osé me dire qu'en pensant avec les appels que je leur avais donnés, ils pensaient qu'ils allaient avoir affaire à un gros casse-os. Donc du coup, sur le coup, ça m'a vraiment gêné, mais ça s'est finalement plutôt bien terminé quand même. T'as donné des preuves positives par la suite, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'est ça l'histoire. Parce que le retard, quand il s'inscrit avec un comportement négatif ou... pas motivé, des choses comme ça, évidemment, ça passe pas. Mais un retard ponctuel, il faut arrêter de déconner. On ne met pas quelqu'un dehors pour ça, quoi. Ça s'était fait le jour où il fallait que je me présente. Après, le reste du temps... Enfin, c'est du stress pour toi. Ça a été du stress pour toi. Moi, j'ai... Ouais, voilà, c'est surtout ça. C'est parce qu'après, forcément, bah, c'est le premier jour. Donc, forcément... On dit tout de suite, le regard de l'équipe, bon, que ça va être. Je pense que maintenant, tu planifieras. Je vous rappelle quand même que si vous avez des portables, il y a Google Maps, ça peut aider un peu. Hein. Ah bah ça, c'est pas marquer mal. Marquer le point d'arrivée, ouais. Si, mais attends, je pense que je vais plus faire confiance à Google Maps. Ouais, Google Maps aura plus de chance, tu vois. Si je peux, oui, je te le dis comme ça. Citer, mais ma Mappy, c'est pas vraiment le top, donc maintenant j'aime bien. Ah non, Mappy, c'est la génération old school, ça. Mais c'est pour les papis, Mappy. Bah oui, mais quand on s'est influencé par les parents, forcément. Bah voilà, bah, je comprends, Adrien. Moi, j'ai une histoire. Alors, moi, c'était à la radio, mais pas ici à Fun, hein, dans une autre radio, une radio régionale, et en fait, je faisais le morning. Comme Bruno, tu vois, à 6h, il n'y avait pas d'animateur la nuit là-bas, tu vois, c'est une petite radio et tout machin, donc t'avais des bandes et tout, tu vois, qui passaient, et à 6h, bon, l'animateur, il est censé arriver, tu vois, donc c'est fin des bandes et tout machin, j'arrive pas du tout à 6h, puisque je me suis pointé à la radio à 9h30, et de 6h à 9h30, c'était le samedi matin, donc il n'y avait personne à la radio, il y a eu un blanc pendant 3h30. Et j'avais 14 messages sur mon répondeur en me disant... Tu t'es fait quoi? T'étais où, là? Bah, j'étais en train de dormir, donc... Quel blaireau. Ah bah non. Donc j'ai failli me faire virer. Ça me rappelle un animateur qui était sur Fun, je dirais pas qui est quand, mais c'était il y a quelques années, qui est arrivé en retard. Ouais. Tu sais ce qu'il a sorti comme grosse excuse à la raconte. Putain, ce camion de poubelle, si je pouvais l'attraper. Le mec il s'était pas levé, il a insulté un camion de poubelle virtuel évidemment. Ah ouais, non en mais disant c'est le camion de poubelle qui m'a empêché de venir. Ah ben non mais il faut trouver il faut trouver des excuses dans ces cas-là quand bidon, on arrive bidon. En retard. Il t'est déjà arrivé toi Alice d'arriver en retard comme ça un rendez-vous non, moi important. Je suis toujours très à l'heure. Moi je suis une fille très ponctuelle donc voilà. Oh. En fait, c'est surtout que je n'ai pas de rendez-vous important. Et toi Kassim Ouais, c'était un rancard mais au final j'ai bien fait parce que avec la meuf était chum. Oh, putain, oh là là, mais quel enfoiré. Donc je lui dis tu sais quoi, j'ai bien fait d'arriver en retard, je me casse. Oh non, mais tu lui as dit ça? Bah oui. La meuf elle est moche, je veux pas rester avec elle. Ça se fait pas. Je propose qu'on appelle Kassim plus Cassim et Monsieur Connard. T'es gentil. Appelez-moi Monsieur le Chacal, c'est non, mieux. Chacal, tout ça, Monsieur là. Chacal. Émilie, t'es déjà arrivée d'être en retard, notre auditrice du soir? Oui, un entretien d'embauche. Un entretien d'embauche. C'était pas cool. Ah oui, donc ça a du mal se passer. T'as pas été prise? Eh bah effectivement, elle m'a demandé si je me foutais pas de sa gueule un peu, si je partais chez moi, quoi. Il y avait des raisons. Hein. Ah, ça, c'est très bon. Se pointer à un entretien d'embauche en retard, éviter quand même. Hein. C'est pas super cool. C'est pas cool. Ma faute, j'étais fatiguée. Ouais, on peut comprendre. Bon, faut dormir. Non, mais ça veut dire aussi que t'étais pas très motivée, hein, parce que généralement, tu te réveilles dans ce genre de situation. 0-1-42-15. Non, c'était un métier que j'aimais pas. Ah oui, d'accord. Ah bah voilà. Eh bah, commence par ça. Bah voilà, Émilie. Dis-nous tout. Ne nous cache rien, Émilie. Reste avec nous. 01 42 48 5000. C'est le numéro de téléphone. Dans un instant, on sera avec qui? Allô, bonsoir. Allô, allô. Salut. Qui est là? Bonsoir. Ah bah c'est Alice. Eh bah c'est moi. Bonjour, je suis là. On me dit que c'est Alice. Mais bonsoir Alice. Bah bonsoir Karel. Tu nous appelles pourquoi Alice? Eh bah écoute, je vous appelle parce que j'ai fait une petite étude. J'ai trouvé beaucoup de résultats sur les tricheries des étudiants et apparemment, ça bosse pas des masses. Donc, 70%. Il y en a qui bossent quand même. Des étudiants ont déjà triché. Même plus de 70%. Plus de 70%. Ouais. Donc on va parler, alors que c'est le jour de la rentrée, c'est demain, des techniques de triche. Hein. Comment bien gruger. Je sais que Doc déteste ça. Ouais, je déteste ça, oui. Tu sais, c'est le mec sur qui tu copiais, tu sais, dans la classe, Doc. On va écouter même Soprano, pas. Là, maintenant, sur Fun Radio avec En Feu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà triché. Et surtout, venez nous raconter si vous êtes fait gauler. C'est ça le meilleur. Hein. Voici Soprano. En Feu. Fun Radio. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuque. Sors de la piste, fais le grand écart de Van Damme. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez. Je suis en feu, je suis en feu. l'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des cheerleaders. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme mes trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h, 22h. Love in Fun sur Fun Radio avec Émilie qui est toujours avec nous. Émilie, 21 ans de Longwy. T'es là, Émilie? Oui, oui, je suis toujours là, Karel. Elle est là depuis 20h. C'est notre auditrice du soir qui fait de la radio là avec nous. Émilie, est-ce que ça va? Tout va bien? Oui, moi ça va très bien, et vous? T'es dans ta voiture, là. Tu vas embaucher à 22h et tu voulais être avec nous là pendant 2h. Émilie, on va lire les messages de tous ceux qui nous envoient, voilà, des petits messages sur le Facebook, sur le Twitter. Toi-même, tu veux passer un petit message? Profite. Bah moi je vous fais de gros bisous à toute l'équipe parce que je vous kiffe trop et c'est trop gentil de m'avoir pris comme autrice ce soir. Parce que Oh, elle est trop mignonne. J'adore. Gros bisous à toi aussi, Émilie. Elle t'a chauffé, carrément. Oui, bah oui, un peu, oui. Bah oui, en plus elle a dit qu'elle était célibataire. Ah bah j'ai beaucoup aimé, ouais. Ah, bien sûr. T'as beaucoup bandé, ouais. Ah mais j'ai beaucoup bandé aussi, ouais, bien sûr, ouais, tout à fait, ouais. Alice. On a reçu des messages de Thomas. Il paraît qu'on peut vous demander de passer un titre et en ce moment je suis en kiff sur le son de Ken Jones, Don't Mind. Est-ce que vous pouvez le passer plus tard? Alors tu sais quoi, on va faire une soirée spéciale. Choisissez la musique. Et pas de limite, allez-y. 01 42 48 5000. Ken Jones, c'est ça, Ken Jones. On a le son. Konnichiwa, oh là là. Bonjour madame. Ça, ça a été le tube de l'été. Hein. T'as dansé là-dessus avec Atoche cet été à New York, Doc? Je suis pas sûr. Ah mais. C'était plutôt de la valse musette. Non, non plus. Est-ce qu'il y a un son qui te ferait plaisir, toi, Émilie? Ah, bah la question se pose. Eh ben, Kinvé, celle qu'il te faut. Kinvé, celle qu'il te faut. Eh ben, tu sais quoi, on va essayer de la passer avant la fin de l'émission, d'accord? C'est trop gentil. En attendant, on a Emmanuel qui est avec nous. Emmanuel, 33 ans d'Angers. Bonsoir, oui, Emmanuel. Salut, Emmanuel. Qu'est-ce qui t'arrive? Salut, Doc. Salut, équipe. Bienvenue, Emmanuel. Tu appelles pourquoi? Alors, je vous appelle parce que du coup, depuis que ma copine a changé de contraception, bah, l'IBD, c'est zéro, quoi. Il n'y a plus rien du tout, quoi. Qu'est-ce qu'elle a comme contraception? Contraception, elle a un stérilet hormonal. Ok, d'accord. Attends, Emmanuel, on t'entend vachement mal. Oui, parce que ton téléphone, il a aussi un stérilet, là. Ah, oui, un gros stérilet dans l'écouteur, là. Emmanuel, essaie de bien parler. Ouais, donc je disais, elle a un stérilet hormonal et du coup, l'IBD, c'est... Alors, a priori, tous les spécialistes diront que l'effet hormonal ne change pas grand-chose à la libido. Mais bon, voilà, le fait est là. Ça peut être un effet psychologique, pourquoi pas. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et elle a plus de libido, ça coïncide avec cette pause de stérilet. Avant, elle avait quoi comme contraception? Avant, elle avait la pilule, en fait. Et avec la pilule, c'était top. Ouais, c'était top. Eh ben, remets la pilule, bien, ça, allez, une pilule. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Juste, une pilule. Vous êtes jeune, qu'est-ce que tu fais pour relancer sa libido? Pas grand chose. Eh bah, faut bouger le cul, mon pote. Et pas que le cul. Emmanuel, oui. Le reste, la bouche, tout ce non, que mais tu veux. C'est pourquoi, en fait, c'est ça, Emmanuel. C'est-à-dire que tu nous appelles, tu lui dis, voilà, c'est ma copine, elle a changé, donc forcément, mais toi aussi, tu peux faire des choses. Alors. Ouais, bah après, c'est compliqué aussi, parce que quand on se fait, on va dire, envoyer bouler régulièrement. Moi, je pense, oui, d'accord. Si elle t'envoie bouler, il y a peut-être une autre raison, je ne sais pas laquelle. Ouais. Ça fait combien de temps que tu me dis que tu es avec elle? Deux ans. Ça fait deux ans. Et ça a été bien pendant 18 mois, deux ans, c'est ça? Ouais, ça a été super bien pendant 6 mois à peu près, jusqu'à la pose du stérilet. Oui, non, mais attends, là, je crois que je vais te dire très clairement, il se passe autre chose. Parce que moi, j'irai chercher ailleurs, en tout cas, le doute est permis. Il y a probablement une autre raison et tu ne la connais pas. Parce que si elle t'envoie bouler, Est-ce qu'elle est à côté de toi, là? Vous êtes en couple, là, tous les deux Non, elle est partie, là, en fait, chez quelqu'un, là. D'accord. Vous vous êtes disputé ou ça va pas bien? Bon, on en a discuté, ouais. Non, est-ce que vous êtes disputé? Ouais, on s'est disputé un petit peu aussi. Ouais, mais bien sûr. T'en as marre, en fait. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire, Doc, dans ces cas-là? Il faut parler, Oui, bien sûr. Est-ce que t'es toujours aussi amoureux? Ah ben, complètement, ouais, complètement. D'accord. C'est pour ça, c'est parce que je suis complètement accro et ça me fait souffrir, le fait de... Dis-moi, peut-être il y a aussi une autre chose. Est-ce que, d'une certaine façon, t'es pas un peu toujours derrière elle pour la chercher sur le plan sexuel? Je te le dis comme ça. Non, parce que... Bien sûr que oui. Parce que ça vous énerve, les filles, Alice, que le mec soit toujours en train d'essayer de vous coller ou de vous faire l'amour? Non, pas spécialement. Après, ça dépend de plein de choses. Mais je pense que si elle te repousse, ça sert à rien de trop la coller. Ouais. Parce que va devenir obsessionnel, ça va l'énerver. Bien sûr, elle doit sentir ça probablement. Alors, il s'est passé peut-être quelque chose dans sa vie. Il m'emmerde avec sa quiquette. En tout cas, il faut en parler. Si vraiment ça dure et que vous ne pouvez plus avoir de rapport sexuel, parce que vous n'avez plus de rapport sexuel du coup. Bah, c'est une fois toutes les semaines ou toutes les deux semaines, quoi. Donc, Et là, comment ça se passe toutes les deux semaines? Bah, je pense que ça se passe bien. D'accord. Après, on va dire, le début, elle n'a pas envie et du coup, elle se laisse faire pour me faire plaisir, quoi. D'accord, donc elle n'a pas du tout de désir. Écoute, ça t'a revoir. D'abord, poser la question au gynéco qui a posé le stérilet hormonal, entre guillemets. Ouais. Et puis, voilà. Et puis après, il faut voir le problème. Le problème de santé est toujours à évoquer, évidemment. Rien à voir avec le stérilet. Elle peut être fatiguée pour d'autres raisons. Elle peut avoir des problèmes de santé qui vont faire baisser sa libido. Ça peut arriver. Elle peut être déprimée. Il y a plein de raisons. Bah oui. Donc, il ne faut pas chercher un seul facteur. C'est le médecin qui parle. Il faut vraiment reparler au médecin. C'est l'homme de médecine. Ouais, c'est important parce que... Mis à part ça, ça se passe très bien. C'est juste le point qui coince. Quoi. J'ai bien compris que ça coinçait. Et c'est pour ça que je te dis, je n'irai pas chercher que dans une seule direction. J'essaie de voir ça globalement. Il faut en reparler au médecin. Et peut-être qu'elle est un peu fatiguée, pas bien, déprimée, tu sais pas. Peut-être qu'elle a envie d'avoir un enfant, vous n'en avez pas, tu veux pas en avoir. Enfin, des choses, tu sais, aussi simples que ça. Il y a plein de raisons. Hein. Ouais. Et le mieux, franchement, Emmanuel, au lieu que tu appelles pour elle, quelque part, Qu'elle appelle. C'est qu'on l'ait au téléphone. Voilà. Est-ce qu'elle veut avoir un enfant avec toi un jour? Oui, on projette d'avoir des enfants plus tard, mais pas tout de suite. On est encore un peu jeune. Est-ce que tu penses qu'elle a un peu envie, plus que toi? Non, pas du tout. Oui, c'est pas. Il faut en reparler. Il y a beaucoup de raisons, beaucoup de facteurs. Il faut en reparler avec elle, en tout cas évoquer ça devant le médecin. D'accord? D'accord, ok. On va essayer de retrouver le facteur et pas prendre une seule raison. Ok? Bon courage à toi, Emmanuel, et j'espère que vous allez. Merci à toute l'équipe. Vous allez y arriver, là. Salut Emmanuel, et change de téléphone. Salut. Change de téléphone. Ton téléphone. On n'entend rien. 01 42 48 5000, on a Delphine. Delphine, 22 ans de Bordeaux, qui va débarquer dans un instant. Alors, Delphine, elle se masturbe. Émilie, notre auditrice du soir, tu te masturbes de temps en temps? C'est un peu privé, là, Karel, voyons. Oui, non, mais moi, je... Oh, t'as fait un striptease. Oh, ça va, hein. Maintenant qu'on est si proches, tu peux tout me dire. Ça m'arrive, mais c'est très très très rare. Alors, Delphine, elle le fait avec son pommeau de douche. Pas. Et est-ce que voilà, c'est sa question. Est-ce que d'autres personnes se masturbent de manière bizarre? Moi, je trouve pas ça bizarre. Non, mais c'est une stimulation clitoridienne. Tu utilises ce que tu veux. Bien sûr. Hein, le pommeau de douche, c'est tu ne mets pas le pommeau dans le truc. Hein. Non. C'est fait couler l'eau dessus. Voilà, c'est ça. Ça chatouille. Ah oui, il faut pas confondre. Hein. En attendant, comme promis. On va s'envoyer des konnichiwa dans tous les sens avec le tube de cet été. Ça rappelle les vacances à Ken Jones. Don't Mind sur Fun Radio. C'est Love in Fun. Hola, na. Keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta. She said, konnichiwa.

Mais qu'il y a des filles, pas. Des filles se masturbent, oui, bien sûr. Alice, tu te masturbes pas, toi, t'aimes pas non, ça. Non, on me masturbe, mais je ne masturbe pas. Je préfère qu'on me masturbe. Attends, je précise que la masturbation est un acte auto-érotique. Ah oui. Oui, alors excuse-moi, on me touche alors, pardon. C'est pas pareil, c'est un geste érotique, là. C'est pas la même alors, chose. Quand on peut pas dire j'ai masturbé mon mec ? Ça ne se dit pas ? Non, tu l'as caressé, tu l'as touché, mais c'est pas lui qui s'est branlé. Ok. Bah, sauf s'il se branle devant toi, je sais pas. Oh, bah, on fait toutes sortes de choses. Hein. Ah, bah oui, non, mais. On s'amuse comme on peut. Eh bien, les détails ce soir. C'est parti, Alice. On veut tout savoir. Non, pardon. Eh bah, écoute, c'est fini. Alors... Émilie, je pense que Delphine, on va te rassurer. Il y a plein de filles qui se masturbent. Bon, Alice n'en est pas. Hein, mais, oui. Et Émilie nous a dit il y a quelques minutes qu'elle le faisait déjà. Émilie. Oui, je le fais de temps en temps, mais j'aime pas forcément ça au début. Voilà, donc c'est juste pour découvrir, quoi. Est-ce que justement, tu vois, t'en as un petit peu honte, tu vois, d'en parler par exemple sur Fun ce soir, de le dire ouvertement, c'est quelque chose, tu vois, dont, enfin voilà, que tu veux garder secret un petit peu ou pas? Bah après, c'est pas quelque chose que j'ai régulé sur tous les toits, ça c'est sûr. Ouais, d'accord. On a Cindy aussi au standard, hein. Cindy. Qui, de temps en temps, j'imagine, comme beaucoup de filles peut-être, utilisent un god. Non, pardon. Cindy, est-ce que tu as déjà utilisé des instruments ou tu t'es déjà donné du plaisir? Pas du tout, non, pas du tout. Ah, tu fais pas non plus? Non, j'en ai jamais acheté, je sais pas à quoi ça ressemble. Eh bien, qu'on donne un god à Cindy. Tu sais qu'il y a des filles qui n'utilisent pas ça, même si tu leur files. Ah oui, non, mais peut-être. Ah bah ouais, moi j'en ai plein à la maison et je les utilise pas seul, quoi. Mais moi je connais son mec et il va l'utiliser. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais on va t'enfiler un. On va t'enfiler un pour ce week-end, un sextoy Lelo. D'ailleurs, Émilie, est-ce que tu en veux un? Bah moi j'en ai déjà, hein, c'est bon, ça y est. Ah bah d'accord. Delphine, est-ce que tu en veux un? Est-ce que tu veux un petit sextoy? Ah bah oui, ça me change de la pomme de douche. Eh bah écoute, ce sera peut-être mieux. En tout cas, on va t'envoyer ça à la maison là très bientôt, ma Delphine. Je te fais des gros bisous. Super, merci Karel, merci à vous. On t'embrasse très fort, Delphine. Bisous. Salut. Le chiffre d'Alice, on parle des tricheurs ce soir, Alice. Et ouais, parce que plus de 70% des étudiants ont déjà triché en cours. Donc voilà, c'est la rentrée. Les bonnes habitudes recommencent. Et on sera avec Baptiste aussi dans un instant sur Fun Radio. Baptiste, 23 ans de Versailles. Bonsoir, Baptiste. Salut, Baptiste. Salut, Karel. Salut, Doc. Salut, Alice. Salut, Baptiste. T'appelles pourquoi, toi? Bah, je t'appelle parce que, en fait, il s'avère que mon sexe pose problème lors de mes rapports sexuels. En fait, je pense que j'ai un peu un trop gros sexe, quoi. Ah, d'accord, ok. Il a une grosse tub, Doc. Ah, bien sûr. On va en parler dans un instant. C'est un gros problème. Un gros problème pour une grosse quéquette. Voici The Parakeet. Save me sur Fun Radio. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, saved me. Save me. The Parakeet sur Fun Radio, Save Me. Le chiffre d'Alice dans Love in Fun sur Fun Radio. Alors que tout le monde parle de la rentrée, nous on va vous parler des techniques de triche. Rebelle. Mais bien sûr. Parce comme, comme si on pouvait tricher tout le temps dans la vie. C'est ah fou, oui. Cette idée. C'est un idéal chez vous, c'est quoi? Non mais on peut tricher en tout cas en cours, donc, et notamment quand on a des contrôles et qu'on n'est pas sûr d'avoir une bonne note. Je veux dire que quand tu triches avec toi-même déjà au départ. Oh putain. Ah ça c'est la phrase, tu sais... toute faite, tu triches avec toi-même. Mais bien sûr que mais oui. Pas du tout, après, Doc. Oui. Mais pas du tout. Mais non. Non, mais je sais que j'ai affaire à un clan de cancre. Ouais, je m'en fous. Hey. Ça va, monsieur le premier de la classe, qui avait toujours des bonnes ni notes. Premier, ni pas premier. Mais à l'époque, c'était vachement plus facile aussi. Mais bien sûr, Doc. Non, mais c'est surtout... Ça, c'est moins sûr. Non, mais je suis sûr que Doc, il était genre de mec, tu sais, quand t'avais un gars à côté de lui qui voulait tricher. Doc, il mettait son bras. Ouais, il mettait son bras. Non, ou son classeur, tu sais, c'est ma partie de la table. Ah ouais, ouais. Et tu triches pas. Il m'est arrivé de donner des renseignements, parce que je m'en fous. Des renseignements. Ah ouais. Je faisais des cours particuliers pour aider les élèves en difficulté. Je me faisais du pognon. Non plus, même pas. Non, non. Non, mais je veux dire, voilà, c'est sûr que ça peut arriver à certains, mais c'est pas. Voilà. Bon, en tout cas, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà triché. Ouais. Et c'est quelque chose qui se fait énormément. Et voilà, après. Mais c'est le mode de contrôle que je critique à la limite. Ah, mais ça, je suis d'accord. C'est-à-dire que tu triches parce que t'as la pression aussi, tu vois, par rapport aux autres, par rapport à tes parents, des fois. Enfin, je veux dire, t'as pas eu le temps de bosser, tu peux pas. Ça a l'aspect d'une compétition stupide, alors qu'en fait, il s'agit de savoir ce que t'as appris, si t'as bien compris. Et ce système de notes est un peu délétère. Je trouve ça un peu dommage, voilà. Le chiffre, c'est 70% des étudiants qui avouent avoir déjà triché. Ouais, on a Sophie qui est avec nous. Bonsoir Sophie. Salut Bonsoir, Sophie. Salut tout le monde. Salut. Bienvenue Sophie, t'as 21 ans, t'es d'Épinal. Ouais, c'est ça. Alors raconte, est-ce que t'as déjà triché toi? Oui, j'ai déjà triché. En fait, je me suis mis bien avec quelqu'un de la classe. J'étais en troisième. Et du coup en première CAP et du coup je copiais tout ce qu'elle faisait et du coup j'ai eu 15 de moyenne en maths alors que j'étais autour des 2-3 normalement. Et l'année d'après t'as fait comment? L'année d'après je me suis ramassée. J'ai redoublé. Ça s'appelle reculer pour mieux sauter. Moi j'ai eu le même problème avec ma prof de latin, j'étais nul, mes parents ils voulaient que je fasse latin quoi, putain. Ouais. Et en fait on avait un contrôle et tu sais elle avait les deux classes en fait, genre la 4e 3 et la 4e 4. Donc j'avais mon pote Loïc qui était en 4e 4 qui avait déjà eu le contrôle, il m'avait donné tous les résultats. Donc j'étais pas surpris du contrôle, donc j'avais que des bonnes réponses, mais j'ai été tellement con que j'ai pas fait une seule erreur. Du coup, d'habitude j'avais 3, là j'avais 20. La meuf, elle nous a rendu les résultats. Elle nous a dit, bon, eh bien, monsieur Rouault, puisque vous avez 20, on va refaire le contrôle, puisque ça me paraît un petit peu suspect. Et alors là, j'avais tous les potes et tout qui me disent, putain, t'as assuré et tout, machin. Vas-y, donne-moi la réponse du nouveau contrôle. Et je me suis tapé zéro. Oh là là. La bulle. Putain, et ça pour le coup, je me suis bien fait niquer, Doc. Ah bah oui, ça je te l'avoue. Parce qu'il faut... Niqué par une prof, elle était jolie au moins. Si, hein? Elle était jolie, la prof. Non, dégueulasse. Si on triche, faut être malin. Double peine. Faut être malin. Non, parce que tu peux pas avoir toutes les bonnes réponses. Ouais. T'en as 2-3, tu vois. T'as 12, quoi. T'as 12, mais t'as pas 20. Jérôme, t'es là? Ouais, salut Jérôme. Salut Doc, salut Alice. Salut Jérôme. On parle des techniques de triche. Jérôme, toi, t'es un professionnel. T'es tricheur. Je suis professionnel, on va dire ça comme ça. Ah, oui, tout à fait. Moi, je suis adepte, bien évidemment, du traditionnel. On regarde sur le voisin. On regarde sur le voisin. Mais faites pas comme moi, c'est-à-dire copiez au moins votre nom et prénom et pas celui du voisin. Il y a des relous comme ça. Ah les mecs. Ça arrive, hein. T'as fait ça. Ah Jérôme. Oui, écoutez. Ah bah t'es notre champion ce soir, Jérôme. Au moins ça aura fait ma fierté, tu vois. Ah mais c'est clair. Il y en a beaucoup qui trichent sur les réseaux sociaux aussi. Ouais, il y a Emeline qui nous dit à chaque fois que j'ai triché, je me suis fait choper tellement j'étais rouge. En général, je note tout dans ma trousse. Ouais, c'est pas la bonne technique. Et Tristan qui lui a des techniques de dingue. En fait, il a trouvé un site internet où tu peux imprimer des fausses étiquettes. Donc en fait, il avait imprimé une fausse étiquette avec sa colle UU et il a recollé autour de sa colle. Et en fait, dans les ingrédients, il y avait ses dates d'histoire. Ah putain, bien joué. Et ouais, ça c'est de la triche élaborée quoi. Qui a déjà triché dans l'équipe? Moi. Godefroy à l'AREA. Alors on va commencer par Godefroy, t'as triché toi? Ouais, tout à fait. Toi, t'as l'air sage comme ça. Ouais, mais bon, j'étais pas super fort à l'école. Il sent le vice. Alors, tu trichais comment? Tu faisais quoi? Bah, en fait, au lycée, on a le droit aux calculatrices un peu élaborées. Ouais. Où on peut rentrer des textes dedans. T'avais une FX. Bah, en fait, je rentrais tous mes cours. Ah, la classique. Ça, franchement, c'est classique. Mais tu rentrais tout. Non, non, que des mots-clés, mais qui me permettaient de tricher. Ok, la calculatrice, ça reste le classique. Alice, toi, t'as triché comment ? Bah, moi, une fois, j'ai triché parce que j'avais l'impression, je fais partie de ces gens qui ont l'impression de, oui, le prof, il m'aime pas, il a quelque chose contre moi. Alors, du coup, je me suis dit, bah, j'avais filé toutes mes fiches à un pote qui était dans un bar plus loin, et pendant mon contrôle, en fait, je lui ai envoyé les questions, il m'a envoyé les réponses. J'ai tout recopié, et ce connard m'a mis 3, quoi. Ah, c'est pas, donc, il t'aimait vraiment pas. Donc, il a fallu que j'aille le voir en lui disant, écoutez, j'ai triché, et vous m'avez quand même mis 3, quoi. Tu lui as dit que t'avais triché ? Bah, ça m'énervait tellement, je pouvais pas le garder pour moi. Ouais. Donc, bah, forcément, bah, j'étais, voilà. T'as eu 0. Deux heures de colle en prime, quoi. Ouais. Donc, il m'aimait pas. Non, mais moi, non, ce que je critique, c'est... Ça dégueulasse, on va l'appeler. Ouais. C'est le mode de contrôle, parce que, effectivement, un contrôle, c'est fait pour vérifier si tu sais, alors que là, on a l'impression que c'est une compète, c'est pas bon. En tout cas, toi, Doc, t'avais pas besoin de tricher. Donc, non, c'est facile à dire quand on n'a pas besoin. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas ça. Émilie, t'as déjà triché, toi, notre auditrice du soir ? Plein de fois, ouais. C'est vrai ? Alors, ta technique ultime, c'était laquelle, toi ? Ben moi, je prenais souvent mon portable parce que j'avais des profs aveugles, donc je cherchais sur Google les réponses. Ah. Ça, c'est encore le top. Tu sais, c'est quand ton prof, il percute rien, il est dans la lune tout le temps. Une fois, moi, j'ai appuyé sur Siri sans faire exprès. Ah. Donc là, t'es grillé, quoi. Ah ouais, faites attention dans ces cas-là. On sera avec Baptiste dans un instant. Baptiste qui a une énorme tub. Bonsoir, Baptiste. Bon, d'accord. Salut, Baptiste. Baptiste, bonsoir est là. Bonjour tout le monde, bonsoir, Baptiste. Alors, Baptiste nous envoie une photo. Hein, on va pas pouvoir la poster, hein, sinon on va se la faire supprimer si on la met sur Facebook. Mais c'est une photo où en fait t'es en slip, c'est ça, hein ? Ouais, voilà, c'est et on voit ton truc, voilà, très très imposant. On va en parler dans un instant. C'est du vrai, la doc. C'est du gros sexe. Ouais. Dans un instant, on en parle parce que du coup, ça te pose quelques galères avec tes copines. Et on écoutera DJ Snake avec Justin Bieber. Lui aussi, il est sacrément bien membré. Hein. On va écouter Let Me Love You, à tout de suite. Partez faire la fête pour l'événement électro de la rentrée. Inox. L'Inox Park avec Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun avec les tubes de Don Diablo, mixé à Niels Van Zandt. It's Niels Van Zandt on Fun Radio. Fun. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos invitations avec transport et hébergement à l'Inox Park. Le 3 septembre. Sur l'île des impressionnistes de Chatou. Avec en DJ set. Nervo. Don Diablo. Niels Van Zandt. Chucky. Toujamo. Et bien d'autres. Prêt pour le grand voyage ? C'est le double fun sur Fun Radio. Le son dance floor. 32-28. Service payant. 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Ben-Hur. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Ben-Hur, un choc visuel. Un spectacle total en 3D. Gagne la course. Gagne notre liberté. Le 7 septembre au cinéma. Primigi. Pour une aventure extraordinaire. Une aventure née il y a 40 ans. Depuis, Primigi a fait marcher dans le monde entier des millions d'enfants de 0 à 14 ans. Primigi réalise des chaussures uniques en ce qui concerne la qualité des matériaux, l'attention portée aux détails, la variété des collections. Des premiers pas jusqu'aux premières aventures. Choisissez le meilleur. Choisissez la qualité Primigi chez les meilleurs distributeurs de chaussures pour enfants. Primigi, le leader italien pour les enfants. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Same way. Je rêve qu'elle de jour comme de nuit. Je vis ma Love Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 0-1-42-48-5000. Et avec notre auditrice du soir qui fait de la radio là avec nous depuis 20h, elle s'appelle Émilie, elle a 21 ans, juste avant d'embaucher là, et commence le boulot à 22h à la fin de l'émission. Émilie est dans sa voiture depuis 20h, toujours là Émilie hein? Oui, je suis toujours là. Ça va, tu passes une bonne soirée ma chérie? Au top. Eh ben c'est cool, on va parler de gros stub. De supposer grosse teub. Ah, de supposer grosse teub. On va avoir des détails, je veux des détails. Parce que, ah oui, attention, parce qu'on est à fond sur le dos. Hein. Baptiste est avec nous, 23 ans de Versailles. Alors, bonsoir Baptiste. Exactement, bonsoir. Salut. Bonsoir Baptiste. Alors, je te pose la question habituelle, pourquoi tu nous appelles Baptiste? Je vous appelle parce que voilà, mon sexe pose problème lors de mes rapports sexuels. Surtout, vas-y. Lors de la phase de dépucelage. De dépucelage? D'accord, donc c'est-à-dire que tu rentres dedans. Le mec, c'est le dépuceleur. C'est ça. Tu peux, là, au lieu de tourner autour du pot, tu peux nous dire de ton problème exact. Bah, le problème, c'est que j'arrive pas à rentrer, en fait, quoi. C'est comme si c'était bloqué. Parce qu'elle est trop grosse, c'est ça? Bah, je pense qu'elle est trop grosse. Mais alors, pas du tout, c'est parce qu'elle est contractée, qu'elle a un vaginisme. Toutes les verges rentrent dans les vagins. En plus, il y a la taille, la longueur, ça, c'est une chose. Il y a le diamètre. Elle peut être longue et pas forcément très large. Voilà, donc. Alors, tu peux nous parler précisément de ce qui t'amène, là, la fille avec qui tu es, comment ça se passe et tout ça, parce que... Bah, le truc, c'est qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Enfin, ah, bien sûr. En fonction des rapports, en fait. Tu dépucelles les filles, c'est un critère de recherche? Tu veux que la fille soit vierge? Ça fait partie des critères, mais ça, on s'en fiche. Écoute, je vais te dire, c'est très clair, il y a des filles pour lesquelles ça rentre, n'est-ce pas? Exactement. Et bien, écoute, quand ça rentre pas, c'est soit qu'elle n'est pas prête, elle n'a pas de signe d'excitation, elle n'a pas vraiment envie... Elle a une appréhension, un petit peu de contracture des muscles autour du vagin. Mais ne rêve pas. C'est... Mais oui, il faudrait peut-être qu'elle ait vraiment envie d'abord, qu'elle se sente détendue et puis que tu prennes ton temps, non? Ouais. C'est... Hein? En fait, on a tendance à penser, Baptiste, peut-être que tu penses que c'est la faute de la fille, mais c'est peut-être aussi non. La tienne. Oui. Et puis... Ouais, je suis peut-être trop rapide. Ouais. Ça, c'est certain, c'est pas la taille de ta verge. Parce que t'en as une grosse, c'est ça? Visiblement, oui, je pense. Parce que... Ah oui, bien sûr. Kassim, tu veux poser une question Ouais, est-ce qu'elle a des bleus autour du nombril? Mais non, Kassim. Genre, elle s'est trompée de trou, non? Peut-être que tu te trompes de trou, mon pote, non? Ah oui, c'est une possibilité. Alors après, on va pas se le cacher, tu nous as envoyé une photo. Exact. Alors quand Alice a vu la photo de ton slip avec la teub à l'intérieur, elle nous a dit il faudrait qu'il fasse l'hélicoptère avec sa teub. Hein, comme ça on serait sûr. Parce qu'on ne voit pas vraiment bien en fait, on ne sait pas. Ça se trouve tu avais une chaussette dedans, moi aussi je peux faire une photo comme ça. Je vais te l'envoyer sans le caleçon. Non, enfin c'est pas ça que non, je mais voulais. Attends, là c'est la photo d'accord, en tout cas je peux te dire la taille n'a rien à voir. Le problème que tu as c'est que les filles sont parfois pas prêtes parce que voilà, il faut que t'armes de patience, de caresses, de douceur, qu'elles disent oui. Et voilà, et puis si ça rentre pas la première fois, ça rentre un peu plus tard. Faut que tu les laisses faire. Ça. Et sache que le vagin se dilate et mouille énormément lorsqu'il est excité. Pas dans l'autre cas, si tu veux pénétrer alors qu'il n'y a pas de signe d'excitation, évidemment que cette cavité qui est fermée, voire avec les muscles autour, ça se resserre. C'est ça que tu dois bien comprendre, ok? D'accord, entendu. Voilà. Une question pour Émilie, peut-être, qui a déjà rencontré un gros sexe. Émilie, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi? Ah bah oui, donc si lui il veut avec moi, c'est bon, moi je suis open. Hein. Ah bah voilà, allez. Baptiste. Oui, je te présente Émilie, elle veut bien ton slip. Ah, ça salut me Baptiste. Bonsoir.